Moi, c'est André. Moi, c'est Eric. Wilter. Puis vous écoutez l'épisode 27 du Geek 26? Je sais plus. 26, oui. 26 du Geek Collectif. Ça va, André? Ouais, ça va fatiguer, je pense. C'est correct? Oh, ouais, travaille pas mal cet ensuite. Je veux juste savoir de quoi, ben vite avant qu'on commence. Ben, on a déjà commencé. Ouais, non, mais ben, qu'on commence à parler profondément, là. Ok. Deep. Avant le deep. Ouais, shit, avant d'être deep. Si tu mouilles la nouvelle tune de Katy Perry, c'est de la crise de mort. Juste être sûr. Parce que c'est à quelle la nouvelle tune de Katy Perry? Eye of the Tiger. I got the Eye of the Tiger. Quelque chose, là. Have the Tiger, c'était pas Survivor ouais, qui faisait ça? Ouais, mais je trouve que c'est un rip-off pour pogner, puis la toune, c'est de la merde. En tout cas, je voulais juste dire ça de même. Toi, on a dit Eric, assez. Ben, moi, j'ai pas rien à ajouter. C'est même pas... Hein. Ok. Je j'ai pas dit, moi. Je sais pas. J'ai juste dit, j'ai rien d'autre à ajouter. J'attendais donc, vous n'écoutez pas le cimetière des CD avec Claude Rajotte, mais bel et bien l'épisode 26 du Geek Collectif. Sur la table. Maintenant que c'est sur la table, on ne peut plus revenir en arrière. Le cimetière des CD, ça joue ça encore, ça? Ça serait le fun. Mais ça c'est, le fun, c'est juste ça. Rajotte à cette heure qui donne. On pourrait le faire avec des jeux. Faire des Destroy, puis... Ben, Rajotte, le cimetière il des jeux vidéo. Émission, encore? Non, mais... Oui, mais lui, il le garde, mais nous autres, on le fait avec des jeux. Ah, ouais. On pourrait appeler ça le cimetière des Blu-ray. Le cimetière des jeux vidéo, puis là, après ça, comme tu joues des vieux jeux sur YouTube, ça, c'est une idée originale, ça. Non, l'autre, il est pète, là. Angry Video Game Nerd, il en pète des fois. Encore mieux. Mais lui, il fait ça depuis lui, des années. Lui, il met dans les toasters. Son meilleur sketch, c'était celui de Mr. Bucket. OK. Mr. Bucket qui dit qu'il va mettre ses... dans sa bouche. Donc, épisode 26, Geek Collectif. Aujourd'hui, on va parler de jeux de société, mais avant, on va faire le tour de l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos semaines? Milter, tu startes ça? Ouais, ben vite, c'est en site. Ben depuis deux semaines, dans le fond, là, j'ai fini dernièrement. Je lis, oui, je lis, tout le monde. Il y a des images, par exemple. Je lisais Planet Hulk, une série, une trentaine de numéros en tout. Mais tu sais, j'ai lu tout de où que ça part, là, comme la partie de Fantastic Four au début, comme trois numéros, puis après, ça continue dans un Civil War, puis quelques vingtaines de numéros de Hulk, là, dans le fond, là. Puis c'est bon. Mais j'ai juste, moi c'était la première fois que je l'ai lu, là, puis j'ai juste trouvé ça drôle parce que c'est Hulk qui se fait bannir dans une autre planète par les Fantastic Four pour plus qu'il soit une menace pour la Terre. Ça fuck, il se trompe de planète, il tombe sur une planète, puis j'ai carrément l'impression que Hulk, c'est Russell Crowe dans le film Gladiateur. Tu sais, genre, il devient comme le leader d'un crew d'esclaves gladiateurs, genre, puis... Il conquit le roi, puis là, ça devient la planète de Hulk, tu sais, puis il est le roi de la planète d'une autre place. C'est vraiment comme off the record, genre, si on peut dire, là. Puis, en tout cas, là, en plus, j'ai fini ça. J'arrive à la fin, dernier numéro de la série. À la fin, dans le petit coin, ça dit « Continued in World War Hulk ». Fait que là, c'est comme, bon, downloader 40 comics de World War Hulk, qui est la suite, puis dans le fond, c'est Hulk qui revient puis qui se venge contre tout le monde qui l'ont banni, je pense, ou de quoi, mais en tout cas, je l'ai pas lu, fait que... C'est juste World War Hulk, il me semble qu'il se bat contre tous des ben, il se bat contre, genre, Iron Man, contre, c'est ça, là, c'est tout le monde qui l'ont banni, là, Iron Man, Fantastic Four, Doctor Strange, puis Il amène-tu son armée avec lui, ou... Non, l'armée, il dit qu'il est warbound, là, tu sais, genre, là, comme des gars de... On se battait ensemble, là, à la guerre, on est warbound, mais il meurt tout à longue, puis il s'en va en solitude. C'est Hulk Viking Edition. Je veux pas péter de punch, là, mais tu sais, il a sa gang, puis... Hulk se marie même, il y a une reine pis tout, en tout cas. Est-ce qu'il y a où? Ben, pour une extraterrestre, c'est pas pire. Bon. Puis okay. Là, mon autre petit point, je voulais dire, je pense qu'Eric va embarquer GTA Online qu'il est sorti dernièrement. Je peux même embarquer moi-même. Ouais, t'as joué, c'est vrai, toi, avec. Ouais. T'as joué? Ouais, j'ai joué. Ah, ok. Il y a pas grand monde qui a de l'air à jouer, même ben, que... Il y a beaucoup de monde qui essaye de jouer, en tout cas. Ouais, ben c'est ça, là. Il y a pas grand monde qui a réussi à se plugger au moment où qu'on enregistre ses paroles, là. Hier, justement, je n'ai fait chier une coupe, si on peut dire, excusez l'expression, mais je me plug dans un party avec quatre de mes vieux chums de d'enfance, puis on se dit comme, yeah, on va jouer un peu, là, ouais, on va se gonner, tu sais, ou de quoi, on se plug, tout le monde ne sont pas capables. Il y en a un, mon ancien coloc, qui dit, ça fait 2 heures, je suis pas capable, tout, moi, je viens d'arriver, je vais essayer. Boum, ça marche. Là, il dit, ah, ouais, mais il dit, tu vas voir la vidéo, là, puis après, la vidéo, ça va geler. Après, non, ça a passé, là, je m'en vais à mon char. Là, il dit, ah, mais au pire, tu vas pogner le char, puis ça va geler après, moi, avec, tantôt, je m'ai rendu jusqu'à là. J'embarque dedans, là, il y a comme un petit loading de 2 secondes, et là, je suis comme, oh shit, ça va-tu geler, comme, pouf, non, ça passe, je fais la course, comme, yeah. Ça dé, puis en tout cas, j'ai fait chier tout le monde avec ça, j'ai joué un bon 2 heures dans le tutoriel. J'ai été coupé un petit peu, mais je me rembarquais super bien. C'est comme si une fois que t'as réussi à passer, c'est comme si après, t'es là, là, tu sais, là, t'es capable de revenir plus facilement, là, je sais pas quoi, là, mais en tout cas. C'est, la seule affaire que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a bien des kids encore là-dessus. C'est pas grave, moi je m'en fous un peu, là. Mais t'as des kids de 12 ans là, que t'entends juste des insultes quand ils passent à côté de toi. Puis, ah, parce qu'ils crient dans leur micro. Ils crient dans le micro, puis c'est comme, come on, là, t'sais, c'était... Soit le fait que, oh oui, rated M-War, là, en tout cas, là, c'est mature, puis tout, mais gars. Je peux te dire de quoi? Moi, je joue au PlayStation, j'entends pas grand personne parler. Ouais, ben. C'est encore un cliché qui est réel, ça, je suis désolé. PlayStation, de dire, c'est plate, mais c'est ça. Le Bluetooth, personne-là, ou je sais pas quoi, là, mais. Ouais, les... J'ai jamais eu de monde qui parle à tout. À part joué. Les vendeurs de chars usagés, là, eux autres, ils parlent vraiment beaucoup quand ils sont sur leur PS3. Là. Ouais, exactement. Le Bluetooth, il est comme fusionné à leur oreille. Ils ont juste bien de la misère à le synchroniser, là. Mais vous autres, votre première expérience? Moi, je m'ai fait tuer tout de suite par plein de monde, nowhere, qui. Yeah, il y a quelqu'un, il roule dessus. Ben moi, ma première expérience, ça a été 3 attentats de 20 minutes à passer le tutoriel en voiture. Que... T'as été obligé de recommencer le bout de ton char 3 fois? Non, en fait, c'est que je pouvais même pas le partir. Ça disait okay, launching okay. Session. Question ouais. Pour toi, à chaque fois que ça repartait, fallait-tu que tu regardes la petite vidéo? Non. À moi, il fallait que je regarde la vidéo. Mon ancien coloc, ça a fait ça, puis ça a même effacé son personnage. Puis ouais, ça disait, le cloud, il est pas là. Il est rentré dans un mode no save, pareil. Puis que quand tu meurs, il y a un ange qui descend, puis c'est n'importe quoi. Fait qu'après que tu as réussi ça... J'ai fait la course. Après ça, je suis allé voler un magasin. Tu voles de la drogue. Ouais, la drogue, c'est pas, vrai. C'est pas des spoilers, là. C'est comme le non, petit training c'est tutoriel, du tutoriel d'online. C'est les missions. Ils te montrent qu'est-ce que tu peux faire, dans le fond. Tu peux comment... voler de la drogue, tu peux la ramener. Après ça, tu peux braquer un magasin. Tu vas déposer au ATM. Tu vas déposer de l'argent au guichet automatique. Parce qu'il faut, on s'entend, tu déposes. Je me suis acheté du linge. J'ai habillé mon bonhomme en hipster. Oui. T'as-tu mis la coupe de cheveux, hipster? Tu sais, rasé ses côtés, juste le genre de toupette long un peu? Non, puis... moi je l'ai peigné sur le côté, ben ordinaire. Parce que ça là, s'appelle puis, de même, là, la coupe. Ouais, la coupe hipster, là. C'est pas la coupe 91, là. Il y en a une, c'est carrément. Eddie Furlong, là. Ouais. Mais il y en a un autre, c'est ça, là, carrément hipster, là. Ben, comme tu dis, le toupette, là, puis. Wow. Mis à part ça, comme Loud Larry. Je me promenais en sortant d'aller acheter des vêtements pour mon personnage. Je voulais aller me faire tatouer. Oui, puis oui. Je pouvais pas le faire parce qu'à chaque shot il y avait une mission qui apparaissait puis qui m'empêchait de faire le tatouage. Il fallait déjà le faire la mission en premier. Fallait-tu y parler au téléphone là, tout ouais, le temps? Ouais. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a commencé à me tirer dessus. Puis il y avait une Mustang qui traînait dans la rue. Fait que j'étais embarqué dans la Mustang, j'ai fait un donut, puis je suis parti avec le char après le gars qui courait. C'était un autre player, le gars? Ou... Ouais, c'était un autre player. Lui, il s'est dit, ah, hey, let's go, m'a testé, m'a tiré sur le monde. Puis ça ressemble pas mal à ça. Je me suis rendu au niveau 4 ou 5. Je pense que j'ai eu mon niveau 5. Je suis arrivé pour faire un deathmatch. Ça monte vite, hein, au ouais. Début, en tout cas. Ben, j'étais surpris, là. J'ai même pas fini le training, genre, la première course. C'est comme, yeah, level 2 ou 3, c'est que tabarnak. Mais j'ai hâte de voir à quel point, à un moment donné, ça va ralentir. Parce que ça se rend quand même jusqu'à niveau 90 et plus. Ben, c'est, y a un achievement, me semble, pour 100. Fait que... Ben, c'est ça, là. Mais après ça, c'est ça. Je me suis rendu à du deathmatch. Ça m'a dit launching session. Puis là, il t'a rendu bien tard. J'étais allé me coucher. J'ai essayé ça. J'ai hâte de rejouer, par exemple. Honnêtement, moi aussi. Ça va être cool. Puis là, on a le crew du Geek Collectif. Ouais, joinez ça, c'est vrai. On est déjà 21. Donc, on vous invite à vous joindre à nous. Puis. C'est facile à trouver, là, sur le Social Club Geek Collectif, ben normal. Ouais, il n'y a pas 40 millions de groupes qui vont s'appeler Geek Collectif. Non, puis on accepte collectif. Pas mal. Non, mais tu sais, je parle, on ne l'a pas écrit collé, que tu sais, c'est pas de petite barre en dessous non, pour qu'il y ait un code. Ou ben sinon, normal. Ben, ajoutez-moi sur Xbox. Ben, tu sais, en fait, le crew, il est ouvert tout, sur ouais. PS3, il est ouvert sur Xbox aussi. Vous pouvez vous joindre à nous, peu importe la console, vous jouez, il y a des gens qui s'organisent dans le crew. Ben, toi, une fois que tu joues, je pense, après, tu as du monde du crew. Tu joins ces games-là en premier, genre, fait que t'as moins de monde cave ouais. de la gang du collectif qui te tire dessus, parce que mm-hmm. je pense que tout le monde, ils veulent jouer avec d'autres mondes aussi, là, faire des heists pis tout. Fait que ça fait une gang de monde prête à... qui parle français en plus, des fois, tu cherches du monde... Ouais, fait que ça ressemble à ça un fun. Peu Grand Theft Auto Online pour moi. Ben, hâte de rejouer. Toi, Rick, t'as-tu une anecdote de Grand Theft Auto Online? Tu veux parler d'autre chose? Écoute, là, à part des frustrations ultimes que j'ai eues hier soir après la job, j'ai décidé de jouer en ligne. J'ai dû avoir vu la vidéo d'intro au moins 5 fois pour apprendre que c'était coupé après. Ouf. Puis comme un cave que j'ai pas appris avec toutes les années d'expérience MMO Launch Day, je fais toujours les mêmes erreurs où ce que t'espères. Comme le goût de vouloir jouer, c'est plus fort que n'importe quoi. Callback à l'autre épisode, je pense que c'est le hype. Ouais. On n'était pas capable de s'empêcher, surtout qu'on n'avait pas rien à aller acheter. Là. On avait déjà le jeu. C'était straight gratuit dans notre salon. J'ai fait la même chose, là, par exemple, dans toutes les expansions de WoW dans le temps, parce que c'était atroce. Ouais. Parce que là, quand une expansion de WoW sort, c'est smooth. Mais Eric, Final Fantasy, Realm Reborn, puis j'ai une copie qui m'attend à cause que j'ai décidé de juste éviter tout ça. Ah, mais ça, t'es correct, le Final Fantasy, mais les premiers jours, ça a été ça. Ça a été... connecte, marche pas. Puis tu continues. En tout cas, j'ai fait ça, puis finalement... T'es pas tout seul, là. Ce matin, j'ai... Non, je sais, c'est ça le pire. Mais ce matin, j'ai finalement joué, puis qu'est-ce qui était drôle aussi, c'est quand ça marchait pas, mais ça me retournait tout le temps à Grand Theft Auto normal. À toi, ouais. Fait que j'ai vu comme plein d'intro de Mike, là. Mike s'est réveillé dans sa chambre, tout perdu. Mike, il se réveille avec un fusil dans son lit. Moi aussi, c'était tout le temps Mike, mais moi, il était dans le trailer à Trevor. Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, il dort là, c'est en site, genre. Fait que là, il se réveillait là, puis à tous les fois, il dit comme maudite place de mal. C'est pas un spoiler, moi, il est pas kicker de sa maison. Non, c'est pas un spoiler. Mais à tous les fois, il chiale que c'est de la merde, puis il se réveille, puis comme tabarouette, qu'est-ce que je fais ici? J'ai finalement pu jouer, puis c'était le fun. Ouais, écoute, cool. J'ai fait un stick-up, puis c'était le fun, puis j'ai bien hâte de continuer. J'ai hâte que ça soit fluide, puis. Ouais. Ça va être le fun, ça. Ouais. Mais à part de ça, dans mes news, je veux dire, moi, c'est pas compliqué. J'ai une chose qui m'a fait bien triper vite fait, c'était que ils ont annoncé une date officielle pour le film de Warcraft. Oh. Ça, pour moi, c'est quelque chose comme qui me pogne le plus, on pourrait dire. Je sais pas, vous connaissez ça, Warcraft? Un peu. Toi, André, tu as entendu parler Warcraft? J'étais un dead pendant 4 mois. Qui est dans World of Warcraft. Wow. J'ai quand été même pas Warlock, pire. Blood Elf, Night Elf, Human. J'arrivais pas à me brancher. On dirait j'ai eu un Warlock niveau 40k à un moment donné. Okay, ben, je suis loin, j'ai fait le choix évident pour moi, là, un Undead Thief, je pense, c'est ça que j'ai pris. Là. Fait que moi, je trippe Warcraft depuis Orcs vs. Humans en comme 92, ouais. Je pense. Moi, c'est Warcraft 2. Warcraft 2 après, excellent. J'ai toujours trippé Warcraft. Je joue beaucoup. Puis là, le film, c'est quelque chose qui m'attend beaucoup. C'est Duncan Jones qui le réalise. Il fait quoi, lui, déjà? Si tu connais Duncan Jones, il a fait le film Moon. Il a fait le film aussi. Il y a un film qui est sorti. J'oublie le nom, là, mais à Poudre le gars qui se voit comme qui doit survivre sa vie sans arrêt dans un train là, qui est en train d'exploser. Ah ouais. Mais c'est un choix intéressant quand même. C'est pas le jour de la marmotte avec Bill Murray. Non, mais c'est ça. C'est pas le jour de la marmotte, mais c'est un peu comme ça. Là. Oh, il revoit le même. Mais il y a ça qui est annoncé qui me fait triper bien raide. Puis j'ai bien hâte. Puis il y avait le teaser. Tu sais, qu'ils ont montré un teaser au Comic-Con à San Diego que personne d'autre. En fait, l'annonce... Juste toi qui l'as vu, là. Non, je l'ai pas vu, tu peux pas le voir. Okay. Il y a personne qui l'a enregistré, parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, là, je te niaise absolument pas. Toi, tu l'avais ça fait 2 ans, là, ça fait 5 ans qu'ils travaillent sur le film. Sam Raimi était supposé de le faire, ça a tout tombé à l'eau. Puis là, pendant le Comic-Con, ils sont en train de montrer des trailers, tu sais, comme quand tu vas à une conférence à un Comic-Con, un vendredi soir, comme pour la surprise, comme tu peux dire. Puis ils sont là, puis ils disent, ah, notre prochain invité est en train de renaître un petit peu en tort. Si ça vous dérange pas, faites juste checker ça, on en revient dans pas long. Puis il drop le Warcraft teaser direct là. Personne s'attendait à ça. Puis ça c'est très hot. Là, ça, c'était au Comic-Con au mois de juillet. Ouais, il y a plein de monde qui ont pu sortir leur cell one-shot. Moi, je pensais qu'il était pour faire film. Comme la shot que j'avais été à l'avant-première de Twilight, je sais pas trop quoi. Ah oui, Twilight. Ouais, c'était joyeux. T'arrives là, puis ils prennent le cellulaire de tout le monde, puis ils le mettent dans des ziplocs, puis ils te donnent un coupon. Y a-tu un moment où tu... Gosse, Moi, ça, là... Tu sais, j'ai regardé le gars, puis c'est comme... OK... J'y ai fait un bond de tête au pied là, à peu près 4 fois pendant à peu près 2 minutes, bien lentement à le regarder, en voulant dire, regarde, j'ai le coupon 18, là. Puis t'es mieux de revenir avec mon téléphone tout à l'heure, parce qu'il m'a arraché la tête. Comment? Moi, j'ai 2 téléphones, j'en ai un personnel et un de la job. Ouh. Dans le pire des cas, un pour les médias sociaux, de la job. Ouais, ben un pour les gestions de compte. Un gestionnaire puis un expert des médias sociaux. Puis de personnel. Produit, hein. Mais j'ai même des comptes sur mon personnel. Fait. Mais en tout cas, j'ai les deux. Fait au pays des pays, je peux donner celle de la job, puis je m'en fous plus. Puis dans un autre cas, je dis tout le temps au gars, je le regarde, je sais que je n'ai pas de cellulaire. Puis qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ont des détecteurs de métal des fois. Non, man. Moi, il y avait un détecteur de métal. Puis ça, hey. Là, je te jure, je voyais ça, puis j'ai fait, OK, premièrement, Twilight, là, on s'entend. Je veux pas voir le film, j'arrive là. Puis il te vole ton cell. Le gars passe un détecteur de métal sur moi pour un cellulaire. Là, c'est comme, oh, mais je me fais chier, prends au, aller, au bord des poches tout de suite, là. Hein? Il a juste checké aux poches. Non, il a fait vraiment comme... Le scan. Ben, tu sais, le... Parce que ces gars-là qui checkent de même, là, ça, t'es des joues avec la casquette, là, Je peux te dire de quoi aussi, c'est basé sur un esti de livre. C'est pas comme si tu vas te trouver des surprises. Ben, c'est ça. Non, c'est pas grave. Non, c'est... c'était n'importe quoi, garde. Puis là, après ça... Ah, en c'est tout cas, quoi, moi, j'en ai déjà arrivé une fois, me semble, puis... Fait que, tu sais, Warcraft qui présente ça, ils prennent même pas le téléphone de tout le monde, puis Twilight qui est basé sur un livre, puis c'est l'avant-première à Montréal, à... Tu t'en sac comme dans Montréal 40, est réputé. Puis ils prennent les téléphones. Come on! Montréal est réputé pour être une des villes qui avait le plus de... Je sais pas si c'est encore ça, mais une des villes qui avait le plus de piratage au cinéma, dans le sens que le monde allait avec des caméras. Fait qu'on bat même la Russie. On était dans le top. Je dis pas qu'on était numéro un, mais au Canada, je pense qu'on était numéro un ou quelque chose d'autre. Parce que c'était facile, parce que tout le monde s'en crie ça dans un sens. Les cinémas, tu rentres avec ta handicam, ta planche entre deux bancs, puis... Tu t'arranges pour être centré un dimanche après-midi quand il n'y a pas personne. My God. Fait que Warcraft le film, ouais. Date officielle 2015. Paye attention à ça. Il y a des rumeurs d'acteurs comme Colin Farrell, tout ça, comme qui sont rumeurs. Le petit kid qui joue Chekhov aussi dans Star Trek, là. Ça, c'est toutes des choses que moi, je pense, va être assez spéciales. Colin Farrell dans Warcraft. On va voir. Ben, il peut être un... Moi, sais-tu quoi, là? Je le vois faire ça. Je le vois être un humain dans Warcraft. Ouais, carrément. Je le vois 100%. Même, je le verrais comme Varian Wynn. Un orc. Je veux pas aller loin. Le roi Varian Wynn de les humains. OK. En tout cas, on vient de connaître Warcraft. La moitié des éditeurs. C'est ça, la moitié des éditeurs de le jeu le plus populaire sur la planète. C'est vrai, t'as raison. Je suis tempête, la moitié. Non, mais tu sais, on a joué, moi, puis Milter, puis même nous. J'ai joué 4 mois, puis j'ai aucune idée. Varian Wynn. OK. Ma nouvelle est pas Rion et Eric qui trippent Warcraft. Non, fait que, mis à part Warcraft, je connais pas Undead. Fait que c'est pour ça que je connais pas. C'est mon excuse. Je déteste les fucking Undead. J'étais 4 mois Undead. Fait que je connais rien d'autre. Lui, il connaît juste le roi des Undead. Je sais même pas son nom. Je me perdais tout le temps dans le mot. C'est Sylvana. Ouais, c'est ouais. Une femme. C'est ok, vrai. Ouais, elle okay, aussi. On... Next. Fait que next. Bon, cela dit, il y a Steam. Finalement, Half-Life 3 not confirmed. En fait, ils ont oui, enregistré le domaine en Europe. Ouais, j'ai vu ça, GameFAQ. Ils ont déposé le nom. Puis... Mais c'est peut-être juste pour. Whatever, garde, si tu penses qu'à Half-Life 3, il est pas en train de se faire faire en non, ce non, moment. Non, mais c'est juste drôle dans le sens qu'ils peuvent faire ça juste pour mettre le mot. Comme la joke puis... est tellement rendue courante. Puis j'ai vu le hype de Half-Life 2, man. Ouais. Puis c'était un long hype à Half-Life 2. T'as-tu peur d'une affaire? De quoi que ça? Que ça soit un Duke Nukem all over again. Non, ça peut pas l'être parce qu'ils vont le launcher avec. Pourquoi eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pas? Parce que je te prédis tout de suite, parce que de un, c'est un outil. Fait que le Source Engine 2 va sortir aussi. Puis déjà, le Source qu'on connaît, même modifié, il est responsable pour bien des jeux. Dota en est à un en ce moment. Le Dota 2 qui est un gros hit. Mais tu peux faire bien des jeux avec Half-Life. Si je me trompe pas aussi, le nouveau Titanfall, c'est sur un engin de Half-Life. Ça se peut. En tout cas, fait que t'as ça qui s'en vient, qui va être vraiment spécial. Fait que Valve, hein? Fait que Valve ont annoncé leur OS. Ils ont annoncé la manette. C'est ça? Les fabricants de consoles. Les fabricants de consoles pour leur Steam Machine. Et là, oui, Milter, ma nouvelle, les manettes. OK. Qui ressemble à un hibou. Qui ressemble à un hibou, mais que moi, honnêtement, je trouve que c'est intéressant comme concept. Je pense que si ces cercles-là sont réceptifs, comme un à un, là, ça va être du analogue. Moi, je veux juste dire... Ça va être résistant. Je veux juste dire une affaire par rapport à ça. T'as-tu vu l'article? Puis moi, ça m'a fait rire, OK? Parce que là, ils disent... Là, préparez-vous parce qu'on a un professionnel de l'industrie qui confirme que cette manette-là est excellente et elle fonctionne bien. Puis là, moi, je suis super excité puis je fais « Hey, cool, je vais lire l'article. All right, c'est qui la personne influente de l'industrie? » Le PDG de Sega confirme que la manette... On s'entend-tu bien que, de l'opinion de plein de monde dans le domaine du jeu vidéo en 2013, le PDG de Sega, là, il n'a aucune fucking idée de qu'est-ce qu'il fait dans le domaine du jeu vidéo. La plupart de leur jeu dernièrement, là, personnellement. C'est là, du iOS ou c'est des affaires de même. Vous parlez de Sega, là? Ben, personnellement, ils me déçoivent dernièrement. Là, Creative Assembly. C'est quoi? Leur RTS qu'ils font de ces temps-ci, c'est vraiment bon. Ben, c'est ouais. Sega. Je sais pas. Non, c'est... Ça, c'est comme dire que... L'affaire d'Aliens, là, c'était Sega. T'sais, c'est comme, c'est créé par 42 000... C'était Rebellion aussi. C'est 42 000 studios, là, puis là, Sega, ils font comme, okay, on va vous donner le peu d'argent qui nous reste, là, s'il vous plaît, faites aidez-nous à augmenter notre nom auprès du consommateur. Mais gars, grosso modo, le PDG de Sega, il a essayé la manette en forme de hibou, là, puis là, il dit, ça répond super bien, c'est génial. Moi, je suis curieux du concept, mais je tiens juste à me poser la question... De tout le monde que vous auriez pu inviter, là. Pourquoi lui? Peu importe la manette, la console, le OS, que je sais déjà, André, qu'est-ce que tu penses de ça? Faut que ça ait vu. Mais je pense que le concept original, c'est une attaque frontale au salon avec les consoles. Puis ils peuvent pas pogner le PDG d'Xbox, tu sais. Non, mais pogne le gars d'Ubisoft, pogne le gars d'EA, pogne quelqu'un. Ubisoft ou EA, je sais pas s'il veut nécessairement aller se mettre deux, trois autres, si tu comptes Nintendo, à dos peut-être en allant... Tu te mets pas un fabricant de console va jamais pas... se mettre à dos à propos d'un fabricant de jeux vidéo. Ben, il pas mettre à dos, mais c'est comme si... Tu développes pour sa console, il va te licher les bottes, puis il va appeler ça du pudding. Ouais, peut-être. Tu sais, c'est comme quand t'es fabricant de jeux et non de machines... Tu tiens les autres à ta merci, là. Garde, écoute, tu fais les jeux. Surtout distributeur de jeux. Ben, maintenant. C'est ça, là. Un des plus grands distributeurs de jeux aussi maintenant. Mais regarde, moi je veux juste démystifier quelque chose. T'sais, oui, j'ai été un peu amer cette semaine envers le OS de Steam. Moi je pense que c'est pas mauvais, puis oui, ça va apporter certaines modifications à l'industrie. Mais moi, la seule affaire que je trouve là, qui est vraiment déplorable. 2013, là, c'est une année pour un paquet de désinformation des fabricants de jeux. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis quelle firme qui engage pour faire leur viro, là. Regarde, t'as Microsoft qui annonce un paquet de concepts flyés et innovateurs de consoles, mais ils l'expliquent tellement mal que l'Internet se retourne contre eux autres puis leur fait changer le cap. Puis là, après ça, t'as Valve qui font une annonce puis ils disent « Hey, on a trois grosses nouvelles pour vous autres. » Puis on va vous les annoncer à intervalles de 48 heures chaque. Fait que là, la première annonce, c'est... Le OS. On fait un OS, un système d'exploitation. Là, je fais « OK, Eric, il me dit, c'est quelque chose de big comme nouvelle. » Moi, je fais « Ben, oui puis non. » Tu sais, c'est un système d'exploitation. À la place de Windows, tu vas avoir ton Steam. Non, mais faut que tu comprennes qu'au niveau de Windows, ça prend bien des ressources. Fait qu'avoir un OS directement pour ton PC, pour jouer des jeux de PC, tu gagnes beaucoup de... Tu gagnes des 10-15% de performance. Ouais, mais d'un autre côté, tu vas rien faire d'autre avec. Il va falloir que tu dual boot. C'est pas le commun des mortels. Tu sais, gars, c'est cool, là. Mais c'est pas le commun des mortels que ça va changer sa vie. La deuxième annonce... On va faire des machines, mais c'est un bêta qui commence, puis là, il va y avoir des fabricants qu'on n'annonce pas nécessairement, puis on n'annonce pas la force de la machine non plus. Puis, Parce qu'il va y avoir des annonces que tu vas faire une annonce, c'est cool, le concept est bon. Fait que là, je me dis, bon, OK, on a un OS, on a des machines qui s'en viennent, puis là, moi, Péry, qu'on jase, puis là, on se dit, là, c'est le temps, pousse-les ton Half-Life. Dis-les, là, Half-Life 3 s'en vient, le Source Engine 2 va sortir, pousse-les. Prépare ton engouement. Moi, je finis de travailler. Bang! C'est une manette. Ton build-up, là, à toutes les 48 heures, t'amènes ça à une manette. C'est quelque chose pareil, la manette, parce que la manette est souvent le point de vente quasiment pour certains entre la Xbox puis la PS3 puis des affaires de même. Ouais, mais... Puis, gars, check la Wii U avec sa manette. Si ça a pas fait de vendre des consoles. Non, mais swing and a miss, mais si c'est pas ça qui a fait vendre la console aux personnes qui l'ont acheté. C'est pas juste « Oh, ouais, nouvelle mais, Wii, c'est mais, oh Joe, shit, une manette. » Mon problème là-dessus, moi, c'est que tu finis avec une manette, mais t'annonces un OS, qui est un système d'exploitation de console éventuelle. T'annonces qu'il va y avoir des consoles. Pis si la console, exemple... Ton build-up, c'est une manette. Ouais, pour là. Puis si ça sort comme... dans un an, d'ici là, ils ont le temps d'arriver au E3 puis de paumer ça avec non, un... Mais les... Non, mais moi, je trouve, personnellement, juste pour clore mon argument, là, c'est que... Je trouve cette année, là, les compagnies ils s'y prennent vraiment mal puis ils font des build-up pour rien. On parlait du hype, là. Moi, j'avais de l'engouement dans le tapis pour la troisième nouvelle quand ils ont fait ça. Là, notre manette. Oh boy, OK. C'est ça ton super de gros deal, là, tu sais. Moi, j'aurais fait l'inverse. V'là la manette, v'là le logiciel d'exploitation, puis à la fin, tu drops, mettons, On a les 5 compagnies suivantes, je sais pas moi, Dell, Acer, telle affaire, qui fabriquent pour nous faire des consoles. Alors, regardons les choses pour de vrai, André. Là. Ils ont annoncé le Steam Box, Steam Machine, whatever. Ça fait des années que c'est en rumeur, en trois parties. Ouais, mais ils ont annoncé la machine. Ouais, mais ils ont dit le bêta va commencer. Ils ont confirmé quelque chose que ça faisait longtemps que les gens parlaient d'elle, qui était de confirmer une genre de console Steam. Ça va sortir en 2015. Ben, regarde, moi, j'invite les gens à partager leur opinion avec moi sur Twitter, à la limite, essayer de me convaincre, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, je trouve juste que ça a été de l'engouement pour mais toi, pour rien pas leur partout. Engouement. Non, mais moi j'étais satisfait. Mais c'est parce qu'on s'est créé notre propre engouement quelque part aussi. T'attendais mais, à plus. Non, mais c'est parce que tout le monde il parlait juste de ça, puis là hey, let's go puis telle affaire, puis sur Facebook c'est rien que ça. Puis moi j'ai fait hey, vous avez enlevé le poil des jambes pour rien. Big Picture existe déjà dans Steam. Tu prends déjà ton ordi à mener dans le salon là, plug-le après ta télé, pars Big Picture. Ta manette d'Xbox 360 sans fil est déjà compatible avec ton PC, même celle de PS3. Mais mon ordi est gros, moi je veux pas l'apporter dans le salon. Il y a du monde qui aime pas ça. Il y a du monde qui aime pas ça, mais c'est juste qui veulent, c'est des fonctionnalités qui existent. Moi il y a une chose déjà. Que j'aimerais, ça c'est comme une petite version de mon ordi que je pourrais acheter pas trop cher, puis que je peux mettre dans ma chambre, dans mon salon, puis que j'ai mon ordi est gros, André. Je veux pas l'apporter jusqu'à ça. Oui, tu peux déjà t'acheter un Xbox à 499 qui va faire. Tu peux jouer à Dota 2 au Xbox? Non. Moi, là, de toute façon, je vais finir par toutes les acheter. Je me cherche encore une Ouya. Fuck, tu peux les acheter, les Ouya. Ils sont en vente libre sur Amazon. Mais ben, ça me tente pas d'acheter sur Amazon. Ils sont 100 piastres. Mais je sais. Tu veux une Ouya, pas que toi une Xbox originale. Je veux toutes les petites consoles. Là. Fait que. Ok. Bon, fait qu'en tout cas, c'est ça mes nouvelles, grosso modo. Plein d'autres choses, mais en tout cas. Toi, André. Ben, moi, regarde, c'est basic. Ça paraît que je suis fatigué, j'étais un peu grincheux cette semaine, je m'excuse d'avance. Mais Steam, ouais. Je l'ai sur le cœur, c'était pas joyeux. Là. C'était attends, pas... André, sur Steam, cette semaine, c'était parmi les affaires les plus drôles. Ouais, ben, c'est vrai, mais j'avais vraiment l'air du gars, tu sais, c'est comme les fantômes de mon Noël passé vont venir me visiter. Mais non, mais c'est parce que c'est comme, je voyais le monde capoter puis je me posais la question. Yeah, moi, c'est bien simple, photographie moderne, tu sais, j'ai acheté un genre de connecteur pour mon iPad mini, que je peux prendre ma carte SD puis la mettre dedans, puis importer mes photos. Puis je redécouvre la photographie. Regarde, j'ai un Nikon D3000 qui est pas la grosse coche comme appareil. Tu sais, puis j'ai acheté... Ben en fait, je vais aller acheter officiellement les lentilles à Guillaume Hamel demain. Puis, gars, j'ai une 35 mm, puis une 70-300, des choses comme ça. J'étais encore allé au camp en fin de semaine. J'ai fait une désintox technologique avec un appareil photo et un iPad. Fait que, tu sais, à la limite, j'avais pas d'internet, j'avais pas rien. Puis l'iPad, je m'en ai servi une fois pour voir les photos. T'avais-tu une 35 mm que... avec juste 25 exposures? Je sais pas, il y avait 1.8. Puis, non, c'est une joke que je dis avec juste 24. 24 poses que tu et peux prendre. Non. Mais grosso modo, gars, j'ai pris des photos d'oiseaux. J'ai pris des photos de lacs avec de la brume. J'ai pris des photos de coucher de soleil. J'ai redécouvert la photo. Tu es parti un Tumblr? Non, ben j'ai déjà mon Tumblr avec mes dessins que je néglige très fortement. Mais j'ai engrossé un peu mon Instagram, qui est @uzumakiqc, pour faire changement. Non, ouais, puis, j'ai mes photos sur mon Instagram. J'ai des belles photos que je suis fier de pouvoir prendre. Je commence à maîtriser un peu plus mon appareil. Puis ça a été vraiment ça, honnêtement, ma fin de semaine. Ça a été... Je suis allé au camp, j'ai pris des photos, j'ai bu une bouteille de Porto, un Ottima 10, qui est mon Porto favori. La seule affaire, c'est que je me suis un peu enfargé les pieds, je l'ai bu en une journée. C'était une bonne journée. C'était une très bonne journée. Tu sais, t'arrives à 3h, tu pars un feu de camp, tu fais de la bouffe dessus, tu t'installes sur le quai. À y repenser, c'était peut-être pas safe au bout, après avoir bu une bouteille de Porto, d'aller m'asseoir sur le quai. Pas de gilet de sauvetage, rien, tout seul, dans la brume. Tant que ça, mais... c'était super. Je me disais, ah, c'est quoi, tu n'avais pas assez d'une, t'aurais dû en acheter deux. Tu non, mais en fait, c'est parce que c'est la bouteille de vin qui est venue par après, puis en tout cas... Mais t'es allé au chalet seul aussi? Non, ben c'est ça, j'étais allé avec ma blonde, puis on est allé rejoindre mes parents, puis là, on s'est fait une bonne bouffe, puis du vin, puis des ci, puis des ça, puis tu joues aux cartes, tu fais un feu... Puis, tu sais, c'est un camp qu'il n'y a aucune électricité, mais j'en avais déjà parlé d'un autre épisode. Ouais. Ça fonctionne à l'électricité solaire, mais juste pour le frigo. Puis, vraiment, tu sais, décompressé. Minimum, puis, c'est ça. J'ai pris des photos, puis j'ai relaxé. Puis, je suis revenu à la civilisation après. Puis, mais c'était ça ma semaine. Je pense que on a dérapé pas mal sur l'actualité, mais tu sais, c'est le fun de redécouvrir la photo. Honnêtement, là, c'est quelque chose que j'avais vraiment négligé. J'avais de la lentille stock, là. C'était une 18-55. Personnellement, mais j'aime ça, là, mais je suis plus vidéo. J'avais ma caméra avant, là, mes wide lens pis tout, pis c'était souvent des montages de skate ou de niaiserie dans le temps que je faisais. Mais c'est cool, je m'avais essayé avec un de mes chums que je vais voir en fin de semaine, justement. Il revient de Chine depuis 2 ans. Mais il revient de Chine? Ouais, il était allé en Chine puis en Colombie-Britannique. Puis il voyage beaucoup pis tout. Puis je vais le voir en fin de semaine. Mais avec lui, on avait essayé dans le temps de faire des petites vidéos niaiseux, là, genre de simili-acting. Là. Fait que je suis comme plus vidéo que photo. T'as-tu une fisheye? Oui. Quand tu fais des vidéos de skate de ou skate, de snowboard, de snow, puis de t'as un fisheye. T'as un fisheye, ouais. Sinon, tes amis te regardent puis je comprends rien. Ils comprennent pas. Parce qu'on n'avait pas au début. Fait qu'on se l'est fait dire, puis on se l'est dit nous autres même. On regardait nos affaires, parce qu'il nous faut vraiment une fêchère, là, quelque chose. Mais comme... pour pas faire un segue avec le sujet de la semaine, mais au chalet, au camp, j'ai joué au toc. Avez-vous déjà joué au toc? Oui, puis j'y pensais tantôt, justement. Non. T'as jamais joué au toc, Eric? T'as-tu déjà joué à Trouble? Oui, c'est pas mal. Le Toc et Trouble, c'est une version. En fait, c'est le grand-père. Le Toc est le grand-père de Trouble. Le Toc est une version en bois pesante avec des billes de Trouble que t'as vraiment de la misère à trimballer avec toi quand puis tu t'en vas. T'as pas une affaire que tu pèses dans le milieu, il fait pop, c'est pop ça. Avec le dé. T'as juste des cartes. C'est ça. OK. Mais le Toc, c'est comme si Trouble, puis le jeu de cartes, le 8, avaient couché ensemble, puis avaient eu un enfant difforme. Tu sais, t'as des cartes qui te font avancer tes billes, puis t'as des cartes que tu fais piger passer son tour à l'autre. Pis... Mais il y a plusieurs versions, là. Ben, c'est ça, tu sais. Il y a des règlements, mais c'est... Ben, il y a toujours des versions aussi, c'est parce que c'est le genre de jeu qui vient qu'un livret d'instructions en néo-polonais chinois, qui est... parce que tu payes ça chez Canadian Tire. De 80 ans et plus, exactement. Fait que tu l'as perdu, parce que... Parce que un jeu de toc respectable s'achète chez Canadian Tire à rabais quand tu viens de mettre de l'essence dessus. Il n'y a plus de station de gaz Canadian Tire, donc tu peux plus vraiment gazer et l'acheter à rabais. Fait que tu sais, il y en a certains... Oui, il y a Saint-Léonard en ont un. Il y en a à Terrebonne. Mais, Terrebonne, bon, ben, tu vois, garde, je m'en... En tout cas, il y a certaines municipalités qui sont vraiment attachées dans le passé, là, mais on gaze plus chez Canadian Tire, donc tu ne peux plus te procurer un jeu de toc en 2013. Mais c'est cool, pareil, il y a un côté le fun de jouer au toc et non à Trouble, c'est différent. Là. Il y a un feeling de plus avec des chums, genre autour d'une bière, là, justement, dans un chalet, le feeling de... Ben, tu sais, d'un... C'est pas pareil en jouant à Trouble. Ben, d'un, tu t'associes pas à l'annonce avec la toune puis le gars avec la coupe des années 80, vraiment awkward... qui finalement fêterait vraiment bien de nos jours à Hochelaga. Qui marche plus jamais. Mais Trouble, tu sais, tu joues à ça puis tu dis, my God, c'est pour les jeunes. Toc, tu sais, c'est comme, c'est pour les mâles, là. T'sais, tu pognes tes billes. Pour les vieux, c'est pour les mâles. Tu joues avec tes billes, ça va bien. Mais tu sais, tu fais bouger ton stock. C'est en bois, ça vient avec des cartes. Mais en gros, le Toc est un jeu de société. Oui. Puis aujourd'hui, après une actualité très longue et intéressante, on va parler de jeux de société. On va savoir, regarde, à quoi on joue. On a découvert ça comment. Il y a un renouveau dans les jeux de société aussi. On va parler de ça aujourd'hui, dans le fond, dit le gars qui a mal préparé son introduction au sujet. Mais ça j'ai joué au Toc. Puis je veux savoir, vous autres, là, en famille, premièrement, là, à quoi on joue? Tu sais, il y a du monde qui joue au Yadzi, des affaires de main. Tout, mais le temps, mettons, là, quand une soirée en famille, là, vous jouez à quoi? Là? Ben, quand j'étais jeune... J'ai essayé avec ma famille, je me souviens des soirées justement genre de Trouble, puis je l'avais, puis c'était très justement là, années 90, là, autour d'une table on jouait, puis comme oh yeah, ça pop le dé, tu sais. Mais quand que j'étais avec ma famille puis tout, c'est justement plus vieux, on jouait au toc. Mais moi j'ai eu une pause quand j'étais plus jeune, mais genre 13, 14 ans peut-être, je me souviens plus là. Ben j'ai essayé de faire jouer ma mère puis mon beau-père, puis j'étais avec mon demi-sœur, demi-frère dans le temps, là, la fin de semaine qu'on était tous ensemble. Puis j'arrivais avec des jeux là que comme Hero Quest. Oh oui! Ça, c'était comme... Puis c'est pas évident à expliquer. Fait que là, moi, je suis là, j'ai 13-14 ans, puis il faut que j'explique ça au monde. Puis mon demi-frère, il avait joué à Dungeon avant, fait qu'il il catchait, tu sais, que ça, le lien, si on peut dire, là, de ces affaires-là, puis des skills, lui, c'est comme, bah, je catch, OK, je veux le Warrior, tout de suite, j'ai catché. Puis on jouait à Hero Quest en famille. J'ai joué à Atmosphere. Ben, c'est, sans c'est... tout les nommer, mettons, parce qu'on va se garder du jeu un peu éventuellement. C'était comme plus vieux, j'ai redécouvert ça. Mais après, ça a parti pour moi personnellement avec les jeux vidéo. Puis dernièrement, depuis quelques années, j'ai redécouvert ça en invitant des amis. On soupe, on joue une game de jeu. Puis c'est comme un step-up comparé à ce qu'on jouait dans... C'est plus à Trouble. Tu joues plus à Trouble ou à Opération ou à quoi de même. Là. C'est bien plus évolué. Puis c'est comme jouer un jeu vidéo, quasiment, sur table. Mais ben, tu sais, t'apportes un point qui est cool aussi. T'sais, c'est un peu un retour aux sources. T'invites tes chums à maison, la famille... Ouais. Souper de fondu, de raclette, une coupe de bouteille de vin, de la bière, let's go. Puis là, après ça, on joue à un jeu de société. Mais tu sais, on dirait qu'il avait essayé de recréer ça avec les jeux vidéo en disant « Hey, la Wii » ou « Mario Party », des affaires de même. Anticipation. Le monde a embarqué là-dedans, mais c'est cool qu'il y ait comme un renouveau du jeu de société. C'est pas pareil, je trouve. C'est pas... Ben tu sais, c'est plus... Je trouve... Tu sais, je peux jouer à 4 à un jeu de société, puis jouer à 4 à la Wii, c'est plus intime, le jeu de société. Ça a toujours été un petit peu, quand même. Il y a une discussion qui se passe. Il y a quelque chose... Tu sais, t'es pas... Moi, quand j'étais petit, je me rappelle jouer à Monopoly, aux échecs. Je vais aller loin dans les jeux de table. J'ai joué aux échecs pas mal, un peu. Mais ma famille se tenait toujours. Mes parents, eux autres, là, les années 80, là, c'était des jeunes dans leur vingtaine. Puis eux autres, ils jouaient à, je sais pas, du Trivial Pursuit, des choses comme ça, après leur raclette et tout ça. Il y a une époque comme ça que t'es en train de nommer, là, une coupe de jeux, là, que j'aimais pas ça, là. C'est comme si ça me désintéressait. Personnellement, Monopoly, là, si je trouve ça plat. Monopoly, je trouve, c'est moi, long, c'est une source de chicane dans une famille. J'adore. C'est long, puis c'est de la chicane, c'est vrai. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui essaie de voler la banque ou qui... Il bouge de voler maisons. La banque. Ben ouais, mais tu sais, le banquier, là, je parle. Tu jouais à Catan avec ta famille? Non, mais encore moins, là. À Catan, mais j'en ai entendu parler beaucoup de mais Catan. Ça, c'est plus mes jeux comment, modernes. Comment ça s'appelait l'autre jeu, le Destiné? C'est-tu, non, le Destin, carrément, Destin. Moi, là, j'étais pas capable. Ah, c'était pas ça qu'il fallait que tu choisisses. Tu sortais avec telle personne. Tu tournais une roue, t'avais un petit char avec des enfants, puis là, tu tombais sur une case. Ben, Life, là, c'était Destin. Ah, c'était Destin, ça. En français. Puis ça, tu tombais, c'est lui, t'es docteur, puis là, tout et tout, tu fais tant d'argent, puis c'est comme, c'est plate. Ça, c'est là. Des jeux que je me suis amusé à ça. Ah, ben peut-être parce que j'avais comme 6-8 ans, là, tu sais. Non, mais ça comme, existe encore, là, c'est pas tout de suite. Peut-être, c'est ça, mais peut-être à cette heure, avec, genre, vous autres, assis à une table, là, on joue à Destin, peut-être que je trouverais ça plus le fun, on jase avec une bière en même temps. On y... Ça serait le fun de jouer à Destin. Mon souvenir, là, de jeu de jeunesse, là, j'étais pas capable. Moi, j'ai une question pour vous autres, parce que j'ai fait des recherches involontaires. Selon vous, un des plus vieux jeux, ça serait quoi? Échecs? Les échecs, Eric, toi, Milter? Ben, ça compte... Si on compte les échecs comme un jeu... Table. C'est un jeu de table, oui. Puis j'irais quasiment même avec les... c'est quoi en français? Les checkers? Les dames? Chinese les dames, checkers, oui. Les dames? Okay. Moi j'ai... Ou Othello, ouais, même. Oui, tu vas pas dire Othello aussi. Othello, je suis pas familier avec ça. Moi, je n'appellerais quasiment pas ça des jeux de table. Tu sais, c'est oui, mais c'est comme Domino, l'Othello. Domino, c'est Domino ça. Domino va être recensé aussi également. Faire des pyramides de petites garnottes, ça compte-tu? Ben, tu vois, c'est un sujet important que tu apportes. C'est là je veux dire. J'ai eu la chance... En faisant de l'escalade, on arrivait à la cime, puis le gars avec qui j'ai grimpé, FM, apportait un jeu, puis il m'a fait découvrir ça. Ça s'appelle Lawalé, selon son origine de la Côte d'Ivoire. Sinon, ça peut être connu aussi sous le nom de Owaré, d'origine Akan, que je sais pas c'est quoi. Sinon, ça peut s'appeler la Wari au Mali, ou sinon Ouri. Au Cap-Vert. C'est un jeu de pierre, hein? C'est FM qui a amené ça. Il est spécial, hein, lui? Lui, il est spécial, effectivement, mais ça, c'était vraiment cool. Ça se joue avec des... Dans le fond, c'est on a un genre de contenant avec des trous autour. Puis on a des graines. Puis là, mettons, chaque petit trou dans le contenant va avoir 4 graines. Puis là, à ce moment-là, ton but à toi, c'est de déplacer puis essayer de bouffer. En tout cas... Je me rappelle plus des règlements. Fait que c'est Trouble avec des graines. C'est quasiment Trouble. Mais on s'entend, c'est que quand tous les jeux sont Trouble, mais avec un concept. Parce que c'est en déplaçant les graines, t'en bouffes, puis là, c'est celui à la fin qui a la plus grosse pile qui va gagner. Mais ça, c'est, selon mes recherches, et je ne suis pas un... spécialiste. Un anthropologue ou quelque chose de même, ou peu importe. Un jeu de tabologue. Jeu de tablologue. Mais... Selon mes recherches extensives sur Wikipédia avec mon iPad dans des situations de cette semaine, c'est le jeu le plus vieux recensée de la civilisation de l'Ouest. Western Civilization. On n'aurait plus jamais trouvé ça, là. Ben, honnêtement, on n'aurait plus jamais trouvé ça. Puis ben moi, là, je suis un peu là parce que j'avais joué. Ben, c'est ça. À moins de connaître FM, on connaît pas ça. Puis quand, en faisant ça, on déclassait tout de suite les jeux de table qui jouaient en Chine 2000 ans avant, ça. Moi, j'ai dit civilisation c'était de cheap, l'Ouest. C'était cheap, ça. C'était made in China. Western Civilization. Fait qu'on enlève la Chine. Ça, quand, moi, quand j'entends Western Civilization, okay, j'entends pas la Chine. Mais ils on parle-tu des jeux populaires, genre Monopoly? Tu... Mais on peut passer de t'sais, ça, mais je trouvais juste vrais, ça cool ouais, de plugger le fait. Mais que... le premier vrai, tu l'as-tu, genre, tu sais, dans, vrai dans le sens Monopoly? Je ne l'ai pas. T'ajoutes une boîte, là, puis... Et Dieu sait que j'ai fouillé pour essayer de trouver les origines, puis les dates de parution. Je sais, c'est Monopoly. Puis... Sauf qu'à un moment donné, c'est parce que, tu sais, c'est comme. J'aurais pu faire une liste des jeux que je connais, tu sais, mettons Monopoly en telle année. Pis... Sauf si j'en oublie un, toute mais la théorie, c'est sûr, c'est eux autres. Ben, Milton Bradley, puis toutes ces compagnies-là, c'est mais dans ça, les c'est... plus anciens. Il y a les... Mais il y a les American Board Game Period, là, ça qui date du début du. Scrabble, Yazzi, puis des affaires de même. Ça, c'est du vieux stock aussi. Ça, également. Pour moi, c'est de la masturbation intellectuelle, ces jeux-là. Là. Mais comme... qu'est-ce qu'est un jeu de table, mais. HeroQuest. C'est de la. Monopoly, Clou. C'est pas mal ça. Risk, c'est pas comme jouer aux échecs que t'es là puis tu penses puis au. Mais c'est ça. Que le, c'est, oui, c'est le... Je trouve que c'est différent. Mais c'est parce que c'est ça un jeu de table. Un jeu oui, de table oui, en fait, pour ça moi, se joue pour sur moi, une table. C'est plus, c'est rendu à justement là, comme André. Ben pas que ça se joue pas mais... sur une table des échecs, mais je rentre pas ça dans mes jeux de board game genre. Fait que Zombicide, tu le rentres là-dedans. Ça c'est un jeu de table. Mais il y a pas de société. Stratégie, il y a pas de pensage. Oh, à oh tapeur, il y a pas de oui, stratégie dans Zombicide. Il y en a des stratégies dans Zombicide. C'est justement ça que je t'entends dire. Oui, il veut dire le contraire. Ok. Mais toi c'est parce que c'est du 1 contre 1. Tu sais, moi j'aime plus là, tu sais comme. C'est comme, comment t'appelles ça? Comme du co-op. Je l'ai écrit, là, je veux juste savoir de quoi. Ah, Opération, vous vous souvenez tous de ça? Oui. C'est-tu un jeu de société, vraiment? Oui, c'est un jeu de table. Ben, un jeu de société, c'est un jeu de personnes ensemble qui jouent un jeu? OK, ben ça peut être large de même, puis je m'en ai dit l'autre, Twister. Twister, oui. C'est vendu dans une boîte, là, puis tout. Là, ben, puis c'est... couche à terre sur du monde, puis il y a bien du monde qu'on s'entend qui utilise ça dans des parties. Mais on joue-tu jeu de société ou jeu de table? Ben non, ben je sais pas, je voulais avoir ta vie ça. Là-dessus parce que je l'ai écrit, c'est, ça compte-tu là-dedans ces affaires-là? Puis j'avais pas Twister. Pensé aux échecs puis tout, ben ça c'est encore plus fun, mais c'est, ça reste que c'est, tu joues pas ça ben écoute, en jeu de société. Selon encore une fois ma source, jeu de société selon Wikipédia, de, eux autres je pense sont à veine de me donner une dividende dans leur non-profit. Toi et le tout jeu monde. De société est un jeu qui se pratique à plusieurs personnes, par opposition au jeu qui se pratique seul. Les jeux solitaires ou casse-tête. Donc, un jeu de société... Mais Zombicide peut se jouer seul. Ben, va chier. Mais... non, mais c'est vrai. Ben... Non, mais t'as raison. Mais regarde... Je dis ça de même. Hein. Jeu de société, jeu de table. Honnêtement, là, on s'entend... Moi, je dis ça de même, mais j'éliminais les échecs puis les jeux plus... tu sais, c'est de l'un gros intello, t'es moins important à juste jaser pour le fun avec le monde. Parce qu'aussi, Zombicide, là, attends, c'est maintenant là... un jeu co-op. Ouais, mais t'es en train de dire que tu peux pas jouer aux échecs avec un ami en jasant peut-être. Oui, non, c'est pas ça que je dis, mais c'est tout le temps plus du gros. Tu sais, il y a personne qui va dire. Tu veux battre attends, l'autre personne. Il y a tout le temps un génie enfant de 6 ans à quelque part qui est capable de runner 20 games d'échecs puis de planter les 20 meilleurs du monde parce que c'est un genre d'autiste magique, là. Invite-les pas à jouer sans bicycle. Il y a jamais personne, qui va parler d'un gars qui clenche tout le monde à Zombicide, par exemple, puis tout, même s'il y a de la stratégie. Mais prends ce kid-là. Moi, je veux juste savoir de quoi avec vite. Pourquoi il est magique, l'autiste? Parce qu'il y a une amulette spéciale? À coup de... Non, c'est juste un genre de sorcier autisme, là, comme les autres. Mais Fécheux, ils sont comme 20, là, puis il va les planter les 20 meilleurs du monde en même temps avec des petits timers mais, en plus des chèques. Mais ce kid-là, que tu l'apportes jouer à Zombicide un soir en gang, il va rendre ton Zombicide d'un jeu plate en crise. Peut-être, mais on parle pas de ça. T'sais, pour moi, c'est là je dis masturbation intellectuelle. C'est tout le temps le monde avec des gros QI, supposément, qui joue aux échecs. Pis... Ben, je pense je généralise un avoue peu. Avoue qu'il y a bien peu. Du monde qui se vante là. Quand tu pars à parler aux échecs, là, c'est comme, hey, moi je te bats. Moi je suis meilleur que toi. Je te le dis, man, ouais, j'ai mais, joué quand j'étais en Milton... deuxième année, j'avais un livre de mathématiques. Ça, c'est douchebag, c'est douchebag. Ah, mais il y a du monde qui font ça avec Call of Duty, jeu. On s'entend là, tu sais. Moi je peux ça. Torcher à Call of Duty, m'a tué, j'ai un kill death ratio de. Puis là, je sais même pas. Ben souvent, qui est bon ils n'ont un meilleur que moi. Quand ils disent ça, je check, je fais que c'est vrai, tu vas me tuer bien raide. T'es bon, level 8 prestige, pas moins. Tu peux juste pas le prouver aux échecs parce qu'il y a pas Checkers Online. Non, ben, je trouve ça juste drôle. Ça devrait creuser un petit peu plus, parce que je pense que c'est plus Milter qui a eu des... Est-ce que tu t'es fait battre par quelqu'un qui faisait il jouait aux échecs et il battait tout le temps. Non, mais je trouve ça juste comme pas le fun. Genre, lui, au lieu d'avoir des histoires de camp musical, c'est une fois au camp d'échecs. Je voulais faire partie du groupe. Je vous épargne l'histoire, mais j'ai fini avec le cavalier dans le trou. Non, mais pour moi, je sais pas, je trouve ça moins le fun. Tu sais, c'est pas un genre de jeu que tu peux... Hey, j'inviterais pas un couple d'amis jouer aux échecs. Puis... Attention, t'as-tu déjà joué à Tag Team Chess? Non, vraiment pas. Strip? Non, quelle meilleure manière de prendre un couple, le mettre dans une situation difficile qui va finir par « Je t'avais dit de mettre... » Ouais, mais ça peut arriver dans Zombicide, ça puis, aussi, là. Peut-être, ouais. Mais c'est plus ouh, fun. Ça peut être comme Milter qui se fait sacrifier au début. Ouais, moi, ben pas au début, là, mais je m'ai fait sacrifier dans ma game de Zombicide. Moi, sais-tu quoi? Mais Zombicide... Je trouve ça plus fun. On discute, on parle. C'est pas comme les échecs que t'es comme... Quel triste. Mais je trouve ça... Je pense trop d'avance. Je trouve ça tough, Zombicide, pour une chose, moi, tu sais. Faudrait que quelqu'un contrôle juste les zombies. Parce que si tu joues à deux, tu peux jouer tout seul. Là, tu contrôles les méchants, tu contrôles telle affaire, puis on s'entend-tu, là, tu sais, tu joues, puis t'es tout seul. Y a-tu quelqu'un qui va venir, puis excuse, t'as peur, t'avais pas mis ton bonhomme à cette case-là tout à l'heure, puis t'avais pas... Non, ouvert. C'est sûr, là, mais rendu joues, là, tu triches tout seul, puis t'es en train de juste bouger des petites figurines de zombies, puis de bonhomme. C'est triste, hein? J'ai jamais fait ça mais de ma si vie, Milter. Si tu joues... Mais si tu joues legit envers toi-même, comme puis tu le prends comme un genre de jeu de patience, ben tu vas te dire comment le battre puis tout. Puis personnellement, pour le monde qui joue à Zombicide, le problème c'est que faut que tout le monde monte au même niveau puis que vous y allez un après l'autre, parce que si quelqu'un monte trop vite en tuant des zombies, la menace vient plus grande d'après les règles. Puis ben je t'écoute parler là, puis ça apporte un sujet que je voulais couvrir. La frustration contre les échecs. Non, en fait, Milter l'a très bien couvert déjà. Mais l'évolution des styles de jeu. Tu sais, on parle justement de l'awalé avec des graines dans un contenant. Puis après ça, on passe aux échecs. On va arriver à des jeux comme HeroQuest, à faire la même. Puis il y en a un très... Mais là, pour moi, je veux juste dire ça. Pour moi, c'était un step, ça. C'était ben comme oui, si j'ai lâché le destin. Puis tout, quand je suis arrivé à HeroQuest, j'étais comme, oh shit, là, il y a de quoi de propre. Tu sais, il y a un step, ouais. Là. Mais ben moi, tu vois, mon step, je l'ai vécu. Puis tu en as parlé tantôt, puis je suis content. Puis en même temps, j'ai réussi à t'empêcher d'en parler pour que je puisse te garder pour moi. Correct. Evil Laugh, ha ha ha. Mais atmosphère. Oui. Y a-tu de quoi qui t'a pas fait faire réaliser comme, wow, hey, là, t'as peur, c'est pas juste un jeu de société, cette affaire-là. C'est-tu Nightmare, ça? C'est Nightmare. Okay, avec ouais. Le maître des clés. Ouais, peux-tu plugger un fait drôle? Quand oui. On a annoncé, on s'est annoncé qu'on allait parler des jeux de table et tout. Ouais. Moi, j'ai pensé tout de suite à Atmosphere parce que c'était un des jeux que j'ai eu dans les plus belles expériences avec des chums, justement. On joue à ça, puis on le découvrait tout en même temps. Le gars qui l'a acheté, il l'a pas écouté avant, tu sais, il a pas checké. Il l'a mis en même temps que nous autres. On a tout parti ça. Puis c'est que un de mes chums, Francis Brousseau, il l'a acheté dernièrement au Village des Valeurs, genre, pour vraiment pas cher. La boîte avait de l'air neuve, quasiment. Puis, il me semble que c'est au Village des Valeurs, mais en tout cas, il était tout content, là, il l'a pris en photo, il l'a posté, puis tout le monde était comme, faudrait wow, jouer je veux être là. Non, il faut jouer. Pis, mais go, tu disais sur ton atmosphère. C'est... Non, mais atmosphère, garde, c'est parce que je jouais à ça, puis tu sais, l'autre, le maître des clés. Moi, j'avais celui avec le maître des clés, pas le Baron Salisé, ben, pas Elizabeth Bathory ou rien. C'est le gars qui ressemble à l'empereur de Star Wars. Exactement. Tu sais, premièrement, moi, j'étais un kid, je trippe Star Wars, puis je joue un jeu avec un gars qui ressemble à Palpatine. J'ai du fun. En plus, c'est cool, un jeu ça. Qui est épeurant, entre guillemets, pour les gens qui réalisent que c'est un podcast puis vous me voyez pas, j'ai les mains qui font des guillemets à côté de mon micro présentement. Ben, il te fait faire des sauts. Ben ouais, quand il te dit approche-toi, puis là, tu t'approches de la TV, puis il fait dégage, tu pues de la gueule, puis. Ben, juste quand tu joues cool, puis qu'il crie pour rien, parce qu'il y a comme un petit blanc, un deux minutes, de petite musique ambiante, puis bah, t'es moi, je pense, là, ça, là, tu sais. On s'entend, là, moi, le monde, il me dit « Hey, à l'Halloween, viens chez nous, on va faire une soirée meurtre et mystère. » Non, non, fuck off. Venez chez nous, on va se pacter à la fraise, puis on va jouer à Atmosphère. T'as-tu déjà joué à Atmosphère? Non? OK, garde. Premièrement, t'étais où dans les années 90? Deuxièmement, t'étais où dans les années 90? Puis troisièmement, fuck les soirées meurtre et mystère. Mais il n'y a plus ça, hein? Moi, j'aime ça, les soirées meurtre et mystère. T'aimes ça, je me sens comme l'outsider aujourd'hui. T'as jamais fait de soirée meurtre et mystère, Eric? Soirée meurtre et mystère, oui. OK. Atmosphère, je veux dire, c'est peut-être mon échec, je sais pas. Moi, c'est parce que j'étais pas sûr quand on disait Atmosphère. Ben, c'est une cachette VHS. Oui, en fait, à taper. Là, on va arrêter de spoiler parce que je m'engage aujourd'hui, Eric. On fait un podcast d'Atmosphère. On va faire un podcast où on va jouer. Comment qu'on peut faire un podcast d'Atmosphère? Ben, on met la cassette qui joue, puis nous autres qui parlent par-dessus. Ah, puis je peux la mettre en joue. Petit écran d'en bas pour que le monde y voit. Que... Si ouais, tu veux okay. faire une vidéo. Je m'engage, aujourd'hui, on va faire un vidéo podcast de nous autres qui jouent à Atmosphère dans le cadre de Les Nudes. Je pense que ça dure 1 heure ou 1 heure et demie, ouais. genre. Fait que tu sais, on fait le temps c'est de la cassette. Je pense que j'ai joué une ou deux fois quand j'étais kid, puis je préférais Donjons et Dragons. C'est pas pareil. OK. OK. C'est loin d'être pareil. Je trouvais ça. Je trouvais des vidéos cheap. Ouais, mais il y a eu une évolution des jeux, on s'entend, on est passé de Monopoly avec la banque, puis le monde qui vole les 50 roses, puis qui s'est donné en dessous de la table, des affaires de même. Hey, hey, c'est le quoi? Capitalisme, man. Oui, t'aimes pas ça, ouais. je joue pas. OK, fait faut pas toucher à Monopoly, Eric va Eric être fâché. Mais tu sais, on est passé des jeux de la banque, c'est pas compliqué. OK. Fait qu'on est passé de Monopoly à Atmosphère avec une cassette que tu mets dans le VHS. T'as un film qui joue, qui a un impact sur le jeu, des affaires de même. Mais moi, j'aimais les affaires de plus d'un jeu. T'as-tu déjà joué à... Je me souviens pas si c'est ça le nom, là, exact. Mais moi, la pub m'avait gagné ben raide quand j'étais petit, puis j'ai voulu ce jeu-là. C'était genre Volcano Island ou quelque chose de même. Ah, c'était-tu l'affaire, là, que... C'était fait en genre de boîtier d'œuf. C'était Hasbro là, qui faisait peu... ça. Ben, là, je me souviens pas. T'as dit qu'il y avait une publicité plus vendeuse que Mousetrap? Ah, c'était les deux. Ça, oh, ça j'ai été... C'est une grosse déception pour moi, ça. Ça marchait oui. jamais. Moi, mon piège marchait pas, moi, non. Il y a rien qui marchait. T'arrivais à la fin, là, puis le piège descendait pas, il restait jamais. Si tu checkais l'annonce aussi, là, t'avais l'impression qu'il fallait que tu partes toute la gamique au début... Pis que t'avais quasiment le temps avec les dés de chacun votre tour jouer bien vite puis de te rendre à la fin puis que ça tombe en même temps. Pis j'étais comme, mais non, ça se peut pas. Si, c'est, pis ça marchait jamais. Pis, mais Volcano Island, c'était genre un jeu de société. Fallait que t'ailles chercher un diamant sur une île en montagne pis oui. tu droppais des billes. Y a pas des dinosaures ou de quoi de même? Ben, c'était des billes que tu tournais. Des billes pis des dinosaures, ça ressemble ouais, beaucoup. Ben, c'était une tête une grosse tête en plastique, là, un peu comme une tête tiki, là, tu sais, ou de quoi, qui faisait comme la tête du volcan méchant. Puis tu te rappelles, t'as tourné où tu voulais, il y avait des petits chemins. Ça venait-tu avec une figurine de Tom Hanks? Non, mais c'était toutes des mini genre Indiana Jones, rose, bleu, jaune. Là. Puis tu te promenais là-dessus, c'était tes roches qui étaient tes cases. C'était vraiment cool, sérieusement. Je pense que le jeu il est sorti en même temps que Joe vs. the Volcano. Sûrement, là. Le pire là-dedans, c'est que Milton en parle, là. Puis moi, la seule affaire que ça me fait me rappeler, là, c'est le catalogue de Noël Sears. Ouais, ouais. Il me parle des jeux de société, puis je suis comme... Hey, je m'en rappelle, ça avait-tu de l'air cool, la page complète dans le catalogue comme, Sears? C'était-tu comme highlighter, moi, vous autres, c'est ça, hein? Moi, avec, à Noël, ma mère me donnait le catalogue Sears, là, puis je l'ouvrais par la fin, parce que les jouets étaient à la fin, c'est ça. Je m'en foutais de tout le reste. Puis là, j'en même pas les tout. Non, ça, c'était à 15-16 ans, tu l'ouvrais au milieu. Mais je tournais, les j'entourais les toutes les affaires que je voulais, puis ma mère, elle capotait, parce qu'après, elle le prenait, puis... Trois quarts du chose, il était entouré, là, tu sais, j'avais jamais ce que je voulais, là, vraiment, parce que j'avais tout entouré, fait que, tu sais. Mais on s'entend, là, ça, puis tu me fais réfléchir là-dessus, puis tu me rappelles une de mes périodes préférées des jeux de société. La période des jeux de société pour les enfants hyperactifs et épileptiques. Tu sais, autrement dit, Mr. Bucket, le pirate qu'il fallait que tu mettes des affaires dessus, puis il capotait, puis les affaires volaient. Ouais, ouais. Ou bien, fallait que tu fasses fitter les mon formes gars, y en a une affaire de géométrie dans un truc. Sinon, ah, t'avais pas le temps. Perfection. Perfection. On s'entend-tu, s'il n'y a pas de quoi pour apprendre la patience aux enfants connect et four, les stresser connect 24 sur 24. Toutes ces affaires-là, il y a eu une mode un moment donné, ils ont sorti à peu près pendant 50 ans. C'était tous des jeux de société où fallait que tu te dépêches, puis si tu ne l'avais pas, il t'explosait en pleine face. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était hein? n'importe quoi. J'avais ça 9-11. Moi, un. C'est plus ressorti des jeux de même. Un qu'ils ont refait dernièrement, puis que mon gars, il trippe dessus, là, il me demande tout le temps, avant de se coucher, on pogne un 15 minutes, on peut jouer rapide. Là. C'est quoi, Guess Who? Tu sais, les faces de bonhomme, là? Ouais. Mais ils ont changé à Star. Qu'est-ce qu'il y a? C'est avec la technologie, là, il y a comme un clip qui se défait. Puis c'est pas des collants sur chaque affaire que t'es tout le temps pogné avec les mêmes bonhommes. Là, tu peux mettre des monstres, des affaires de, wow. de cuisine, t'as comme 10 sheets qui viennent des feuilles, là, genre que tu peux revirer de bord en bord. Fait que t'as des bébés, des écoliers, des personnes normales, des jeunes, des monstres, des cartoons, des aliens. Puis là, t'sais, c'est plus des questions genre, y a-tu 4 dieux? Y a-tu des tentacules? Y est-tu mauve? Tu sais, à place de y a-tu une moustache? Y a-tu des yeux? Y est-tu noir? Y est-tu blanc? Ouais, les questions. C'est un gars ou une ouais, fille? Ouais, Star, là, en passant, sont tous de la même couleur, la même coupe de cheveux. Ils sont tous comme comptables. Fait que tu sais, tu peux plus te tromper c'est dans les sous. C'est maudit, là. Mais moi, tu vois, regarde, y en a un qui ont refait il y a pas longtemps. Puis ça aussi, ça m'a rappelé des bons souvenirs de jeunesse. Si je vous dis Hungry, Hungry. Ah, ben oui. Hippos. Oui. Ça, là, on s'entend, hey, là, ça m'aidait à rester calme. Ça t'énerve-tu, Kat? Tu pioches sa queue de l'hippopotame pour y faire manger des billes, puis là, le jeu, il se barouette sur la table. Puis dépendant contre qui tu joues, des fois, il y a du body contact. En plus, là, tu le pousses avec l'autre main, tu pousses ton ami, genre, ou le coup, pour que, hey, wow, puis lâche son affaire. C'est... Moi, j'ai été élevé de même avec mes cousins. Là. C'était, ah ouais, on t'approchait la queue du hippopotame. Moi, j'ai une question pour vous. Puis on se poussait. Oui. Là, on est en 2013. On a eu des jeux avec des VHS. On a eu des Hungry Hungry Apples Kick. Des jeux qui t'explosaient en pleine gueule comme Perfection. C'est quoi la prochaine étape? Ben, de un, je pense qu'on n'a pas parlé des grosses affaires aussi. Okay. Oubliez pas, faut pas qu'on oublie le Games Workshop, les Warhammer. Ça tombe-tu là-dedans? Ça, Warhammer 40 000, c'est amener le jeu de table évolué. À l'extrême, là. C'est ça, là. Parce que là, mais ça, c'est quasiment du Dungeon and Dragon amené en board game, mais c'est comme l'extrême de... Entre tout ça, justement, il y a HeroQuest, qui est comme un Dungeon and Dragon board game dumbed down, là. Comment on dit ça en français, là, tu sais... Épuré. Ouais, épuré, puis... Il t'a pas impressionné. Moi, c'est plus... tu sais, c'est moins compliqué, là, plus facile à jouer, genre, là, justement. Épuré. Là, épuré de règlement. Là. Mais, en tout cas... Tu sais, il y a comme une différence, mais Warhammer 40 000, c'est amener ça à l'extrême de comment que je peux avoir des détails pour absolument tout. Et dépenser 1 000$ pendant que tu le fais. Mais ça, je trouve, ça vient aussi d'une passion que j'ai eue pendant un certain temps, pendant que je tripais sur Donjons et Dragons. J'ai collectionné des mini-figurines de plomb que je peinturais au détail. Puis, ça je t'imaginais pas comme ça, Jonathan. Ah, je te même. J'avais des petites cartes de hockey, des kits de dés, là. Mais là, est-ce que tu parlais de ça quand tu connectes ta caméra fisheye sur le terrain? Non, pas en même temps. Ben oui, quasiment, ouais. C'était quasiment en même temps, ça. En tout cas, je suis spécial d'après ça, mes amis. Moi, je suis d'accord, puis tu vois, regarde, le Warhammer 40 000, puis les figurines, les affaires de même. C'est une autre passion, je trouve. Ben, qui se mixe bien. Ils commencent à se rejoindre tranquillement, pas vite, parce que justement, les Zombicide puis les HeroQuest de ce monde, ouais. C'est une porte d'entrée vers ils ça. Ils vendent des sacs de figurines additionnelles, genre, pour justement, t'achètes plus de en zombies. En parlant de futur pis... aussi, c'est l'intégration avec les devices, là, avec les téléphones, les tablettes. Ben, justement, Zombicide, moi, quelque chose qui tablette. M'a surpris, d'avoir l'application tablette iPhone Android... Peu importe avec quoi que tu joues d'habitude, tu peux intégrer Zombicide à l'intérieur, puis là, ça élimine les cartes, ça élimine les points, ça élimine le papier, les crayons. Je trouve ça cool, mais en même temps, je trouve ça moins de fun. C'est moins organique, si on peut dire. C'est ça, ça enlève un peu de feeling. C'est comme quand je joue à Clou, j'aime ça avoir ma petite feuille originale avec mes X dessus, puis mes affaires de questions posées, plus que d'avoir... une copie cheap faite à la main ou Tu sais, c'est quoi la prochaine évolution? Là? On parle de l'intégration des tablettes, des téléphones intelligents, mais le jeu de table s'en va où? T'sais, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'écoutais Star Trek, puis eux autres, ils jouaient aux échecs, mais sur comme 8 paliers, puis des affaires de même. Pis ben là, moi, j'étais comme, waouh, ça, c'est le futur des échecs. Mais moi, je pense que ça va juste chercher un certain monde culte, parce qu'il n'y a plus personne qui va juste dire, tu sais, Monopoly, c'était le genre de jeu simple, je trouve, tu sais, à sortir, ou Trouble, hey, on joue-tu une game de Trouble, tu sais, c'est en train de dire, comme, il n'y a rien à faire, c'est plate, là, vous êtes là. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais, là, il y a toujours, ben, il y a plus d'affaires à faire plus facilement, puis, pour ceux qui aiment ça, ils veulent de quoi de plus compliqué, ou plus élaboré, moins épuré, puis ils se disent juste genre je veux Zombicide qui est pas Warhammer 40 000 en niveau trop compliqué mais que je peux sortir puis jouer une soirée un petit 2 heures puis avoir du fun puis que c'est je sais pas c'est moi personnellement j'ai joué quelques fois puis j'ai adoré ce jeu. Je sais qu'on est en train de parler de ce jeu là comme si c'est la base actuelle de qu'est-ce qu'un jeu de société, mais je pense que c'est un des jeux puis qui sort la deuxième saison, ils appellent ça des saisons là, leur version là. Mais c'est un des jeux les plus hot présentement dans le style. Il est accessible. Il est accessible, mais justement, il est comme un petit peu niche. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va jouer à ça. Là. Tu sais, c'est pas ton grand-père qui va te dire on joue Monopoly. Tu sais, une anecdote qui s'est passée avec moi un peu. Puis tu sais, quand tu dis c'est accessible, justement, Zombicide, puis des jeux comme ça. Je suis rentré dans un magasin Games Workshop à un moment donné au centre Eaton. Ouf, t'es brave. Puis... Ils peuvent être agressifs, écoute, ces gars-là. Écoute, premièrement, j'ai resté surpris de voir de la vente à pression. Mais c'est dans quoi, un... ils vendent des jeux de société? Ils vendent, eux autres, justement, du Warhammer, ouais. Les figurines à 250$ de pression, puis le kit. Il y a de la vente à pression là-dedans, mais là, je rentre ouais. Là, moi, tout bonnement, parce que ils ont une table de montée au milieu du magasin. Puis je vois ça, puis toutes les figurines sont peinturées. Puis là, t'as des vaisseaux spatials d'un pied par un pied. Puis c'est hot, c'est beau, puis ça a l'air cool au bout. Puis là, je rentre là, mais leur magasin est fait d'une manière un peu comme les casinos à Las Vegas. C'est qu'une fois que t'es rentré, tu vois plus les sorties, puis tu vois pas si c'est le jour ou la nuit à l'extérieur. Puis là, je suis pogné dans un raccoin entre des boîtes de Warhammer, des manuels d'instruction de Dungeons & Dragons, importe l'édition, la table, puis la personne qui peinture. Un gars qui peinture en faisant... Il peinture tout le temps. Il peinture. Je sais pas, le gars, il doit vivre là, puis il peinture. Ouais, ok, lui, il se fait payer pour peinturer. Genre. Probablement. Mais continue, je l'entends. Mais là, je me retourne parce que là, je fais ok, c'était cool. Il était vraiment hot, le vaisseau. Je l'ai vu de proche. J'ai pris une photo à la limite avec mon téléphone. Je dois maintenant quitter. Là, il est 2h30. On est je pense, un samedi après-midi. 2h30. Moi, je suis allé là pour acheter des cadeaux. Puis. Et un employé fort sympathique du Games Workshop, si tu écoutes notre podcast, sache que je te respecte beaucoup en tant qu'individu, mais je n'approuve point de tes techniques de vente. Donc, je suis prise au piège entre le gars qui respire fort et qui peinture des petites figurines d'un travail très minutieux que j'admire fortement, et une table avec des vaisseaux spatiaux, puis un racking de boîtes, puis le gars qui me bloque la sortie, qui me demande si j'ai déjà joué à Warhammer. Là, j'ai fait la gaffe de dire que non. Fait qu'il faut que je dise oui. Non, mais si non. Tu sais, dans Ghostbusters, quand il dit « Êtes-vous un dieu? » On répond toujours oui quand on a déjà joué à Warhammer. Non, tu penses que oui, c'est ta carte. J'aurais pas pu me sauver? Il y a pas de bonne réponse. C'est ça, il y a pas de bonne réponse. Si tu dis oui, puis je vais donner tu continueras avec ton histoire, mais moi, j'ai eu la même expérience dernière parce que moi, j'adore Warhammer. Je pense qu'il faut que tu te couches à terre puis que tu shakes. J'ai dit oui, j'ai répondu oui, puis bref. Tout ce que ça tombait à, c'est me demander quelques personnes que j'ai jouées. Puis moi, j'ai une armée de Space Marine. Puis il a juste commencé à montrer quand le nouveau Space Marine est sorti. Blablabla. Il est parti arrêter de tout. Ok, ben regarde, moi, toi, c'était... Toi, t'as dit non, je veux savoir le nom. Moi, c'était pas des Space Marines qui m'ont montré. Oui, est-ce que savoir là-dessus après, par exemple? Le gars m'a expliqué les règlements. Au complet. Pour les gens qui n'ont jamais vu un manuel d'instruction de Warhammer... Épique. On parle d'un truc qui est gros à peu près... comme un quart de dictionnaire. Je m'en ai dit le petit Robert. Comme les, tu sais, si t'appelles-tu, il y avait des livres de mécanique portables, camion. Là, c'est ça, là, mettons, là, tu sais, t'achètes le livre, là, t'as un vieux Topaz 91, puis t'as acheté le livre de mécanique. Ben, c'est gros de même. Mais là, il m'explique les règlements. Voici la ronde numéro 1, et là, on choisit notre armée, et là, on calcule la distance qu'ils peuvent parcourir avec ça, une règle, puis Puis là, c'est comme carrément un RPG, un peu ouais, RTS, mais je veux dire, c'est plus. C'est super le fun. Un turn-based RTS, mais... Ça avait l'air écœurant, OK? Warhammer, c'est écœurant. Par contre, je n'ai pas 500$ pour débuter mon armée. C'est-tu quoi? Ouais, mais regarde, je vais te dire... Là, moi, c'est là que je voulais savoir. Le fait d'acheter le bonhomme, regarde, ça te le donne-tu, genre... Ça, là. J'ai eu des bons trips de Warhammer dans ma vie. J'ai une armée qui est aucunement peinturée, fait que je peux pas faire de la compétition. Mais... Faut qu'elle soit peinturée pour les compétitions, là, si tu veux dans une compétition de Warhammer, là, faut que tu y mets là, pour ton bonhomme peinturé. Faut que tu aies un peu d'herbe alentour. En tout cas, c'est compliqué. Mais grosso modo, Warhammer, puis tu veux parler de l'évolution des jeux de table, puis on dérape un peu de Warhammer, mais je connais ça quand même assez bien. Le jeu, c'est exceptionnel. Si t'aimes des jeux de stratégie, c'est parmi les meilleurs jeux de stratégie qui existent. Les personnages, c'est crissement trop cher, par exemple, si tu veux des armées, tout ça, mais c'est accessible. C'est en plastique ou en métal? C'est en plastique. Okay. Même en ça, maintenant, c'est des moules de plastique. Avant, c'était en métal, mais là, c'est des moules de plastique. Mais tu achètes tes armées, il faut que tu les colles ensemble un peu comme un kit à modeler, comme quand tu étais kid, là, des chars, c'est là, ça. Ouais. Fait que tu fais tout ça, puis ça, c'est correct. Mais là, ça, c'est des unités, là. C'est comme tu joues aux échecs, là. Ça, c'est ton chevalier, ça, c'est ton pion, ça, c'est ton roi, puis tout ça, c'est le fun. Mais après ça, faut que tu aies trouvé des gens pour jouer avec. Fait que là, tu vas aller dans une place où ce que les gens jouent. Ils ont des belles tables épiques. Là, tu as du monde hardcore qui sont là. Toi, t'es là avec ta petite armée aucunement peinturée, là. Ouais. Puis tu te sens comme le worst fucking Warhammer. C'est comme le monde qui va jouer aux cartes dans des vendredis soirs au. Oh my god. Au, comme Valet de Cœur, c'est ça que ça s'appelait, là. En passant, Valet de Cœur, c'est le fun. Ça existe encore? Ouais, ouais. 16h30. Donc, pour les 2h et quelques, 16h30. Le gars n'a jamais pris une gorgée c'est d'eau. C'est trop gentil, André. Non, mais au début, il m'a intéressé pendant 45 minutes, une heure, facilement. Ensuite, j'ai eu pitié de lui pendant au moins 20-25 minutes. Puis là, t'as rien acheté. Puis ensuite, le gars, là, quand tu as dit que t'achetais rien, il devait être déçu dans ta barouette. Non, mais en fait... Ou t'as acheté de quoi? Ce gars-là, j'ai dit, regarde, je veux pas t'interrompre, mais... Là, il était 3h15. Il était 3h15. Là, il a continué à parler. Là, j'ai relancé à 4h à peu près. Fait, je veux pas t'interrompre, mais là, il a continué. Lui, son sales pitch, dans le fond, c'était je vais pas le laisser placer un mot. Il aura pas le choix de m'écouter, puis il va filer cheap d'acheter. Je me sens jamais cheap de pas acheter quelque chose. Je vais me sentir cheap d'avoir acheté quelque chose que je voulais pas, mais je me sentirai jamais cheap de pas avoir acheté on quelque chose. On s'achète-tu chacun un bonhomme de Warhammer, puis on joue une game chacun moi, notre un dit, bonhomme là, contre tout le Eric monde? Eric a déjà son armée de Warhammer. Moi, j'ai déjà dit, j'ai ma manette dorée un jour que je vais dropper sur une pauvre personne. Ça me dérange pas de ma ça va être une soirée à une place comme ça. Je suis content d'avoir déjà eu mon Fritz de 4, moi. Ça me dérange pas d'y aller, moi, à un moment donné, mais... Mais c'est spécial à voir. Puis quand tu rencontres les gens qui font ça... Moi, parce que je trouve pas, chez le côté, c'est du pay to win. Non, c'est pas du pay to win. Non, mais c'est là que je veux dire, t'achètes ton vaisseau qui coûte non, le piastres, ouais, mais le plus gosse... fort que tes marines, que l'autre, il est juste capable de se payer, mais qui tripe 100 fois plus. Mais s'il y a pas une unité équivalente à la tienne, toi, tu t'en sers pas. Puis c'est un gros number crunch, hein. Fait que toi, ton gros vaisseau à 600 piastres... Fait que toi, tu peux pas prendre ton plus gros, ton affaire la plus forte. Si lui, il a pas la même affaire équivalente faut à toi... Faut que tu tapes au plus fort que c'est lui, ça. Dans le fond. Vous okay. utilisez le même genre d'unité. Ça, c'est ce que je me souviens que le gars m'avait prenez appris. Prenez le plus haut, oui. le plus bas, plus haut mais d'un André, des deux. Si il a vraiment pas expliqué comment est-ce que ta grosse unité, c'est pas bien peinturé, mais t'as l'air d'un fucking loser. Là, en fait, t'as même pas le droit de t'en servir dans les tournois, je pense. Rendu là, c'est loin de clous, là. On est très loin du colonel Moutarde dans c'est la bibliothèque sûr, mais quand avec ça... une chainsaw. Une chainsaw. Ça, il devrait refaire un reboot de Clou. Tu sais, faire vraiment quelque chose de violent. Là. Une moi, chainsaw, j'aimais le film une... de Clou. Crowbar. Tu sais, il y avait une petite toune de classique vraiment la, avec Christopher puis... Lloyd. Oui. Tim Curry. Oui, mais Tim Christopher Curry, Lloyd ouais. ne se rappelle pas d'avoir joué non. dans Clou. Mais c'était bon, ça. Mais faut que t'aimes Clou. Fait qu'on on voulait parler du futur des jeux de table en restant dans le présent. Ben moi, je pense c'est con à dire, là, mais je pense qu'on est dans un peu un peak. Parce qu'à part intégrer des tablettes puis des affaires de même, on s'entend que absolument toutes intègrent des tablettes à Star puis des applications. Fait que, tu sais, who cares, là, dans un sens, là, c'est un parmi tant d'autres. Puis, autre que ça, là, t'es rendu que t'as des centaines de pions quasiment sur ton jeu quand tu joues un jeu encore comme Zombicide ou des jeux du style, tu sais, où les règlements deviennent de plus en plus complexes, mais... Tu sais, je sais pas comment dire ça, mais ils prennent des éléments tirés du jeu vidéo, ils prennent du côté ben, RPG, c'est rendu le gros... C'est comme si tout le monde joue à Donjons et Dragons sans le savoir avec des bonhommes. Mais tu sais, ouais, les éditions de Risk, de Halo, de StarCraft... Tu sais, on plus, voit que l'influence du jeu vidéo commence à venir s'installer dans le jeu de société sans nécessairement le changer. Mais les règlements, un peu de base, ouais, tu sais, l'évolution des choses... Oui, effectivement. Avant, là, c'était comme t'es qui, toi, moi je suis un fer à repasser. Maintenant, t'as une carte avec des statistiques pour un pion. Tu sais, quand tu y penses, c'est y a quelque chose de plus. Puis c'est où que ton personnage a des stats, puis quelque chose dans un jeu vidéo. Ton fer à repasser, il n'y a pas de stats. Non, mais c'est comme ça que je dis, c'est juste contrôler la bande. Mais moi, personnellement, là, puis ça, c'est juste un commentaire de même. Là, mais mettons tu joues à Monopoly où ton but est de devenir un magnat de la finance, avoir plein de propriétés, des hôtels, toute la quête. On s'entend-tu qu'il n'y a pas plus rien de diminutif comme symbole que dire « Moi, là, je vais pas prendre la voiture de course, la locomotive ou le chien de race. Moi, mesdames et messieurs, je suis un fer à repasser. » Non, non, tu non. Tu startes le jeu en faisant un statement de genre « Moi, là, pour le restant de ma vie, je vais repasser tes chemises, puis that's it, ça s'arrête là. » Y est-tu enlevé? Je pense qu'il est enlevé. Hein. Non. Non. Non. Puis diminutif, c'est Joanne, tu veux jouer? Ben, tu prends le fer passé. Ouais. moi, je jouerai plus jamais à Monopoly, je pense. Je m'assirai bon, pas. Bon, ben, moi, je me mets au défi. Je fais l'appel. Faire tout un tout épisode Monopoly. Moi, j'ai joué au Monopoly des Simpsons il n'y a pas longtemps, puis c'était cool. Ben, c'est juste drôle parce que c'est la même affaire, hein, mais on dirait que vu que c'est des affaires des Simpsons, tu jouerais-tu c'était le toutes fun. Les vendredis soirs? Ou tu te tannerais après une fois? Je dis pas que je jouerais pas une fois encore à Monopoly, mais si j'ai vraiment le choix, je jouerais à autre chose. Mais mon expérience de Monopoly, moi, ça se résume à... Je me tanne pas du nombre de fois que je joue, mais 45-50 minutes dans la game de Monopoly... T'as plus le goût. Là, ça prend le bord, puis il faut que ça arrête là. Puis vous êtes-tu au courant qu'il y a plus d'argent? Puis tu finis jamais une game? Il y a plus d'argent? Non, c'est une calculatrice, genre, puis une calculatrice contre une carte. Quelle bonne valeur à instaurer à la jeunesse d'aujourd'hui? Mais le monde, ils ont plus le goût d'utiliser leur carte de crédit. André, capitalism, fucking, t'aimes pas ça? Décalisse. Mais tu sais, Eric est très protecteur de son capitalisme. Dans les vieux jeux, pour moi, là, ça, les meilleurs, c'était Clou puis Risk. J'aimais Risk pendant un bout. J'adore Risk. C'est, ben ça, c'est comme les classiques qui étaient un step plus haut. Avez-vous déjà joué à Scotland Yard? Oui, ça, ça, j'avais joué ça. Je trouvais ça comme... Déjà dans le temps, je trouvais ça comme, oh, stratégie, parce que là, on est 3-1, exemple, parce qu'on cherche l'autre, puis on sait pas... Déjà là, je trouvais que c'était une évolution dans le temps, puis je trouvais ça hot. Si mais je peux, maintenant, là, c'est quelque chose. Tu peux suggérer un jeu, ouais. Si t'as mis des risques, puis moi, j'en ai parlé un petit peu au début, mais nous autres, on joue souvent en couple. Moi, ma femme, j'avais joué avant chez de la famille, mais je l'ai eu pour ma fête, là, pas longtemps, ben, 2 ans passés. Puis à chaque temps en temps, moi, ma belle-sœur, mon beau-frère, ma femme, on joue à Catan. Puis, sais-tu quoi? C'est vraiment un bon jeu de table, ça. Puis c'est un peu comme Risk. C'est un jeu de stratégie où tu collectionnes des ressources et tu dois bâtir des villes. Ah, ben, j'avais joué sur Xbox. On n'a pas fait une édition Game of Thrones de Catan? Il doit... Sûrement, j'ai vu aux Zellers avant que ça ferme. J'ai vu plein d'éditions, de plein d'affaires. T'avais un Halo Catan. Mais c'est très le fun, Catan, là. Settlers of Catan, c'est un must. Sûr qu'ils vont qu'ils jouent. Shout-out au groupe à Yann Filion qui joue, ce que j'ai jamais eu la chance d'y aller encore. Mais il y a bien des gens qui jouent à Catan. Là, c'est... Moi, j'aime bien ça, là, vraiment. Et je pense qu'il y a même une étape de Catan de disponible au Funzo quand tu vas là-bas. Ou à l'autre place aussi, là, de Normand Lamour. De Normand Lamour? Je sais pas, je mélange le Madrid. Le Madrid, OK, merci, Milter. Mais en fait, c'est un peu ça. Il y a des endroits comme le Funzo où on peut aller jouer à des jeux de société. Puis il y a aussi... Le Randolph Pub Ludique sur le 2041 Saint-Denis Street, Montréal, Québec. C'est ouvert de 4h PM à 1h AM. Mais c'est celle-là qu'il y a un acteur connu quand même qui fait des pubs pour... C'est très bonne question, ouais. Mais je sais que c'est celui-là où c'est cool comme endroit, t'arrives, puis c'est un pub, mais avec des jeux de société, les gens te l'apportent, ils t'expliquent les règlements. Ouais. Fait que t'es pas juste tout seul en train de t'ostiner sur l'interprétation du manuel d'instruction japonais. Mais tu joues à des jeux de société, tu prends un verre, c'est différent, c'est cool et c'est souvent rempli. Il faut t'arriver de bonne heure. Il n'y en a pas beaucoup de place là-dedans. Je peux dire, répondre à venir à ta question, c'est quoi le futur des jeux de table? C'est quoi le futur des jeux mais de table? Mais c'est ça, man. C'est l'accessibilité. C'est des bars de jeux aime. De table, des places que puis tu peux aller jouer en société à des jeux c'est de ça. Société. T'as pas besoin de rester dans ton salon à inviter des gens chez vous. Tu peux actuellement aller essayer des jeux. Mais ça, souvent, c'est du monde qui sont concentrés sur la game en tabarouette. Si mais tu vas là. Il y a une place juste ici qui vient d'ouvrir aussi. Là, c'est les lutins de quelque chose. Peut-être ici sur Ontario. Eux autres aussi, ils le font, ils jouent jusqu'aux petites heures du matin du Magic. Mais j'approuve pas Monopoly, moi. Les cartes de crédit, c'est pas une bonne chose. Pis... Fait que joue le classique, cash. Puis si moi... t'aimes pas ça, André, décalisse. Il y a le truc que je voulais dire, moi, pour le monde qui, si t'aimes déjà les jeux de table ou tu veux peut-être en découvrir d'autres, ben peut-être vous autres, vous avez déjà entendu, là, mais il y a une émission qui s'appelle Tabletop. Avec Will Wheaton et Felicia Day. Will Wheaton. Ouais, c'est ça, c'est dans la gang de, pis, de Sundry. Là, Geek and Sundry. Ouais, Geek and Sundry. Puis ils font ça, que tu peux aller voir les épisodes. Puis c'est cool, sérieux. Là, c'est, ils font jouer, ils expliquent un jeu bien vite dans l'épisode. Puis ils jouent. Ils jouent avec des invités populaires un peu, si on peut dire, du monde de l'Internet. Puis tu vas en reconnaître un peu si t'es un suiveur. Fait que Gabrois va à Geek and Sundry. Ouais, Gabrois, il est là, c'est sûr. OK. T'sais, mais le monde de l'Internet, là, le old case-it, là, ils sont là-bas. Puis ben c'est cool comme émission, tu sais, pour le monde qui aime ça, là, genre tu veux soit découvrir, puis quand tu aimes ça, ben c'est comme t'en apprends plus, ou c'est justement du monde qui parle de choses que tu vois jamais à TV. Mais de... ça a commencé avec Will Wheaton, là. Il avait fait un podcast avec la gang de Penny Arcade. Ouais. C'était pendant Penny Arcade Expo, il faisait live devant une salle remplie, puis il jouait à un jeu, puis c'est la salle qui choisissait en tweetant, mettons, leur aventure de Donjons et Dragons, qu'est-ce qui se passait. J'ai écouté des podcasts de ça, puis c'est excellent. Allez les télécharger, c'est vraiment bon. Là. Non, c'est... En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé là, pour ça. Puis sinon, là, une autre affaire d'outils de référence, là, boardgamegeek.com. C'est comme le Hall Music ou le IMDB du jeu de table. Ah ouais, je savais même pas, ouais. Je vais checker ça. T'as tout là-dessus, tu peux chercher, t'as des photos, t'as des forums de discussion, t'as du monde qui te disent « check mon setup de zombicide, j'ai fait ça de même, check mes photos pis tout », c'est bien cool. Puis pour faire une petite plug gratis à un de mes chums qui est d'un geeker, qui font un comeback bientôt, il y a le site web lepionnoir.com. Ça appartient à Mathieu, qui est d'un geeker, puis c'est un gars qui vend des jeux de table, c'est un passionné de jeux de table, puis c'est parti son site web qui en vend. Il vend un bon prix parce qu'il fait pas vraiment d'argent puis, là-dessus. Puis... Pour ceux qui ne savent pas, c'est la commission des geekers, ça reste toujours. Oui, la commission des geekers, là, ça s'en vient. Ils font un comeback bientôt, qu'on va voir ça. Mais là, Mathieu qui est là-dedans, il a son site web de jeux de table. Fait que des fois, là, ça vaut à peine. J'ai checké le site dernièrement. Là, puis, t'as comme, tu vois toutes les nouveautés, toutes les affaires. Ce serait peut-être intéressant puis... de faire justement, prendre un jeu puis de faire un genre de podcast des geekers contre le collectif dans un jeu de société. Si ça serait possible. Ça serait moi, je voudrais pas les caller out comme ça. Là. Non, mais écoute, faudrait pas les caller out comme ça, mais les boys... Il y a des joueurs expérimentés de Donjons et Dragons. Ouais, Eric, là, je crois qu'il y a pas chien avec ça. OK, mais sans fucker le chien, là, moi, je serais curieux. Jouer une game de Dungeon avec eux autres. Tu dis quoi? Moi, je serais willing. Ça serait drôle. Mais ouais. En tout cas, faut que tu apportes ta pesanteur parce que... Ma pesanteur. Je fais rien que ça, amener ma pesanteur ces temps-ci. Mais ce que moi, ce que j'aime d'une bonne game de donjon là, avec des bonnes personnes, c'est vraiment que c'est de l'impro fantastique. Je n'ai jamais joué... Ça, non, c'est pas vrai, j'ai joué une fois. Comme un jeu de table, vous considérez ça un jeu de table? Moi, je considère ça un jeu de table. Moi, c'est jeu de rôle, c'est comme un lit. C'est mais un jeu de rôle, c'est des personnages c'est une à faire, tu débouches. T'as pas de personnage nécessairement dans Dungeons and Dragons. Non, mais la portion, c'est que t'as des combats dessus une table. Petite feuille dessinée, des fois, avec des X. Puis, Ça, c'est la portion jeu de table, direct là. Ouais, ok. Je sais pas, moi, le fait d'aller lire des livres par personne. Ça serait cool. Ouais, moi, Donjons et Dragons, j'ai toujours dedans pour une game, là, mais faudrait pas qu'on... Moi, j'aimerais ça qu'on commence, là, tu sais, niveau 8, mais avec une coupe de sorts. Ben, l'affaire, c'est que c'est pas évident, d'après moi, à maintenir avec les horaires qu'on a. Mais puis... c'est ça, moi, je voudrais pas commencer à niveau 1, puis qu'on joue, mais... On se fait une soirée, une game, là. Puis... Mais c'est pareil, aventure. Je dis ça de même, mais ça paraît, t'as pas lu les règlements encore. C'est pas grave, ça. C'est juste pour ça. J'ai lu des règlements, j'ai le dernier. Juste dire, c'est pas quelque chose que tu peux te dire, on joue demain, là, on arrive, on lit trois petites pages, puis on sait tout comment jouer. Ben non, c'est, mais faut, on va... Il faut un Dungeon Master, il faut des joueurs, il faut qu'on fasse des personnages, créer des vrais personnages, pendant ça peut prendre une heure par personne. Google Docs, regarde, faites-vous un personnage, puis on se rencontre mercredi soir. Ça ici, c'est les lignes que tu dois faire. Bon, tu vois, quand il y a... Il va être le Dungeon Master. Ben c'est ça, moi je trouve que c'est de la préparation. Des plans qu'on se batte contre le sorcier partout. Pat la France. Moi, je veux dire, tu te réveilles. La comté éloignée de Tazoria. Inspire-les pas. Là. Il y a le sorcier Pat qui réveille zombie, puis là, c'est juste ça que tu vois. Bûche, brasse tes dés. Ah ouais. Donc, les jeux de société, finalement, il y a des ressources sur le web. Il y en a un paquet à essayer. Jeux de société, jeux de table. Personnellement, selon les arguments qu'on a eus ce soir, c'est pas mal toute la même affaire. Il y a des variantes, il y a des différences, il y a des familles de jeux. Ça dépend à quel point tu veux t'investir dans ton ben, jeu. Ben, c'est ça, exactement. Mais l'important, on fait nos recherches. Mm. On trouve qu'est-ce qui nous plaît. On se trouve du bon monde. On fait comme un peu ce qu'on fait nous autres une fois ou deux semaines. On se retrouve avec des bons amis autour d'une table. Pogne pas des chokers parce que tu vas jouer à Monopoly puis 45 minutes dans la game. Fuck that! Yo, fait t'aimes pas ça, décaliste, hein? Ben c'est ça, fait que tu veux qu'ils te le disent avant. Pas yeah, on joue puis après en plein milieu, non. Vous aimez le Geek Collectif, vous aimez nos épisodes qu'on vous enregistre chaque deux semaines. visitez notre magasin en ligne, le site laboutique.ca. Dans la section des artistes, vous allez retrouver le Geek Collectif, le podcast. Du swag. On a du swag. Du vrai qui swag. Qui est en vente. Mais les t-shirts du collectif sont disponibles. Vous en vouliez des noirs, on en a des noirs de disponibles également. Vous pouvez nous suivre sur Facebook au www.facebook.com/ Geek Collectif, le podcast, via Twitter au @Geek Collectif. Moi, c'est André Paquette, elfe de niveau 48. Je joue depuis l'âge de 9 ans. Je joue depuis l'âge de 9 ans. Donc, vous pouvez me suivre sur Twitter au @OzumakiQC et vous pouvez également aller visiter mon petit side project. Je me fais une petite blog cette semaine au legeek.net, le-geek.net. Ton blog. Le blog. Je suis devenu blogueur en plus d'être expert en médias sociaux et elfe de niveau 49. Oh, il a monté d'un niveau. Hein, ben ouais, mais gars, ça se fait, c'est exponentiel. Je joue présentement. Je joue dans ma tête à chaque seconde. Eric? Moi, c'est Montréalien sur Facebook, sur PSN, sur... tu le nommes. Je suis mentor des réseaux sociaux, moi. Tu peux facilement parler avec je moi. Je déteste pis, le mot mentor. Si tu veux savoir comment monter ta page web haut, je vais t'expliquer comment poser ou des questions. Ou augmenter ton cloud. Augmenter ton cloud. J'ai un cloud de 44. J'étais en bas de la... Moi, je suis pas accepté socialement en ligne. C'est quand même mieux que 10. C'est mieux que 10. En tout cas, moi, si je serais dans la présence de quelqu'un qui a un cloud à l'entour des 60, je me sentirais assez spécial. C'est motivant. Et toi, Milter? Moi, Grand Theft Auto Online, Milter 187. Aide-moi, je vais te tuer. Bye. That's it, that's all? Ouais, Twitter, ils me trouveront d'une autre façon cette semaine. Ben, merci d'être avec nous. Milter, il vient de monter son cloud de 67. C'est un cloud de 67. Monté de 15 points en un jour. Ça pousse comme la mauvaise herbe, cette histoire-là. Oh yeah.